Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon lance les dés, le jeu de rôle le plus podcasté de la galaxie. Je suis Grushkov et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous nous retrouvons en cette fin d'année pour un épisode un peu spécial dans lequel je vais me faire un plaisir de torturer mon équipage à travers un jeu de rôle fait maison. Je ne les présente pas tout de suite parce que ce sera fait in-game. Par contre, je vais vous présenter le système de jeu qui lui est basé sur Risus, un système très permissif basé sur l'impro et les clichés plutôt que sur des feuilles de perso et des livres de compétences et sorts à rallonge. Dans ce système-là, du coup, les joueuses choisissent des clichés et doivent se répartir d'idées, en fait, à jouer en rapport avec ce cliché-là. Vous allez voir, on va l'utiliser et vous comprendrez, c'est assez facile de prendre le pli par rapport à ça. Plus il y a de dés dans un cliché, en fait, mieux c'est, parce que quand on fait des tests par rapport à ces clichés-là, pour résoudre des situations, ça donne plus de chances de réussir. Comment ça va tout le monde ? Bah, écoute, ça va plutôt bien. Vraiment, moi, je suis super content, c'est la première fois que je teste Risus. C'est vrai, j'ai dû tester un peu, enfin, ça a l'air vraiment rigolo. C'est vrai que t'as testé. Ouais, j'ai jamais testé non plus, j'ai hâte. Vous avez testé pour le prologue, mais c'était il y a tellement longtemps déjà. Oui, voilà, c'est ça, c'était le prologue. Je stresse des gens un peu. Aussi, en plus. Surtout qu'il y en a des gens là ce soir. Là. Je stresse un peu parce que tout à l'heure, ça allait, on ne m'entendait pas dans le micro de Tuki, mais maintenant oui. Ah, mais attends, je re-règle ça alors. Franchement, ça passe. Hein. Ouais, mais il faut juste que je parle en ASMR. Est-ce que vous aimez le JDR ASMR, tout le monde? Là, c'est bon, j'ai bougé et on t'entend plus. Ok. On va pouvoir passer au jeu très bientôt. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Ouais. Je vous dis, ça va être très intéressant parce que, comme j'ai dit, on avait déjà fait un prologue et du coup, on va prendre la suite tout de suite et je vais faire l'exposition in-game. Est-ce que c'est parti ? 3, 2, 1... Notre aventure débute donc au commissariat de Cantobite sur la planète Cantonica. Où est-ce que c'est Cantonica ? Eh bien, c'est ici, sur la map de la galaxie. C'est la bordure extérieure, au-delà de Felucia et de Homoraband, vraiment aux limites de la galaxie. Et vous les avez pu voir, cette planète-là, dans Star Wars, les derniers Jedi, dans laquelle Finn et Rose foutaient la merde. et vous savez, ce qui était drôle, c'est qu'il finissait en prison, et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin du prologue qu'on a joué ensemble avec nos amis, qui se retrouvent donc, malgré eux, dans une histoire assez compliquée, pour laquelle ils ne connaissent pas grand-chose. Et ils se retrouvent face... tous dans la même pièce, face à un commissaire, enfin un commissaire. J'ai pas choisi vraiment le genre, mais c'est pas grave. Voici des petites images de Cantobite, ceux qui nous regardent. Le commissariat ressemble à ça. C'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs et les autres. Je suis l'officier Kamoul. Pardon, je savais qu'il n'y arriverait pas. Je sais que vous avez fait un peu de troubles sur la voie publique. Et c'est pour cela que nous vous avons appréhendé, mes collègues et moi. Nous sommes allés faire quelques petites recherches sur vous. Vous avez l'air assez connu, vous êtes dans des archives impériales. Par exemple, à commencer par vous, monsieur. Monsieur Adrignap, c'est bien ça, vous êtes un Nikto ? Absolument, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oh, bah vous savez, moi je suis un aventurier, ami de ces gens que vous voyez à côté. Et figurez-vous que j'ai été recruté par notre commandant Grushkov. De mon rejet par tous les autres. Il a vu que j'étais un fin artilleur et que j'avais explosé pas mal de choses. Du coup, il s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de me recueillir. Et donc, voilà, c'est mes meilleurs amis, je les aime beaucoup. Vous voulez un macaron, les bleus ? Non, merci. Non, merci, j'ai pas vraiment besoin. Très bien, donc vous faites donc partie du même groupe que les autres, c'est bien ça? Absolument, ce sont mes amis. Ah, ce sont vos amis, oui, très bien. Très bien, très bien. Donc, je vous ai parlé en premier parce que vous êtes la personne qui avait le moins résisté à l'arrestation vu que vous étiez allongé par terre. Oui, j'aime bien m'allonger par terre. Oui, très bien. Par contre, quelqu'un qui n'a pas du tout pris cela avec sérieux et qui a essayé, ma foi, de mordre l'un de mes collègues, c'est ce petit boule de poil. Bonjour, quel est votre nom, petite boule de poil? Yap yap. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Jean-Charles, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu m'as dit qu'il parlait, qui parlait le basique. C'est tout à fait, oui, j'ai pris le basique deuxième langue, hein. Vous inquiétez pas, moi je m'appelle Ximlut. Très bien, donc vous êtes un Ewok, c'est bien ça? Oui, tout à fait, fier de l'être. Fier de l'être, mais il paraît que vous avez une licence de pilote dans un des mondes du noyau, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous faites? Tout à fait, je suis bien conscient de l'image un peu archaïque congénère peut pas vous renvoyer, mais il se trouve que j'ai appris à piloter en participant à des courses d'épices, en ramenant de l'épice dans les mondes du noyau. Et il se trouve que voilà, j'ai une habilité tout à fait particulière à échapper aux agences gouvernementales qui pouvaient nous courir après. Très bien. Est-ce que c'est normal que votre son soit aussi bas d'un seul coup? Il se trouve que j'ai quelques soucis technologiques, il va falloir peut-être qu'on continue la suite de cet interrogatoire dans quelques minutes. D'accord, non mais pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut. Je me tourne vers cette personne qui a refusé de retirer son casque. Bonjour, vous êtes donc, comme on peut le voir, un Mandalorien. C'est bien ça? Ouais, et alors? Ouais, il me faudrait vos noms et prénoms pour bien vérifier que nous avons bien identifié la bonne personne. Ouais, d'accord, je suis Finelli, je suis du Clarentine. Très bien. Vous voulez savoir quoi d'autre? Est-ce que c'est vous qui avez dessiné un peu sur le sol tout à l'heure? Moi, dessiner sur le sol? Non, c'est pas mon genre. En tout cas. Regardez ça. Oh, voyons, Finelli, ne sois pas modeste, c'est vachement joli ce que t'as fait. ok, je peux prendre le compliment, d'accord, ça va. Oui, nous avons vu que vous étiez bien équipé, évidemment, en plus de votre armure mandalorienne, vous avez, on a pu voir que vous aviez même un Vestar 35, c'est pas de la Camelot, ni votre vibro épée, là. Écoute, mandalorien, on est pas mandalorien, quoi, on est bien équipé, et pas faire les choses à moitié non plus. Ouais. Alors d'après mes dossiers, c'est vous qui avez tué le plus de personnes dans la rue. Hein. C'est vous et votre collègue. C'est bien ça, la petite créature que nous n'avons pas réussi à identifier. Ouais, voilà déjà ça. En plus, bon, tuer, c'est un grand mot quand même parce que déjà c'est eux qui ont commencé. Nous, on s'est défendu. Voilà. Ah oui, vous vous êtes défendu en tabassant des gens, c'est comme ça que ça marche. Bon, alors, effectivement, c'est nous pas avons... C'est le policier qui va nous faire des leçons de morale. Donc vous, est-ce que vous pouvez vous présenter au lieu de nous parler comme ça? On mérite le respect, s'il vous plaît. Tu sais où je te le mets, le respect? J'ai bien envie que vous me le disiez, s'il vous plaît, pendant que je sors ce bloc-notes. Moi, c'est tu qui? Très bien. D'où est-ce que vous venez? On n'arrive pas à savoir quelle est votre espèce. Ça te regarde pas. Très bien. Très bien, très bien. Alors, pour le matériel que nous avons récupéré sur vous tous, on peut dire qu'il y a du beau. Hein. Nous avons donc sur vous, Tuki, récupéré un Kyuzo Pétard, qui est une espèce de petite dague laser, un blaster. Je peux pas penser à me la rendre. Un blaster E-851 hein, qui est très prisé par les dealers d'épices, notamment sur Kijimi. Sur vous, donc, Funeli, nous avons récupéré un V-Star 35, une épée vibrante. C'est ça, une épée à vibration qui fait bzoubzout. Sur vous, monsieur Ximut, alors on a de la belle ouvrage, hein, bâton électrique et lance-walk mélangé. Donc, ça, je pense que ça, c'était pas pour être juste un simple touriste, c'est ça? Oui, si vous pouviez quand même faire attention, il se trouve que c'est quand même un objet sacré. Alors, ça reste un objet sacré, d'accord. C'est un objet sacré. Et dangereux, sacrément si dangereux aussi, si je puis me permettre. J'adore, on a eu la même blague en même temps, c'est incroyable. Oui, j'en suis pas fier. Maintenant, vous êtes trop fort. Attendez, je vais baisser votre son. Ouais, il est toujours comme ça. Ils sont bizarres, les gens. Moi, j'aime bien. Et vous parlez, vous parlez, mais en même temps, vous avez absolument aucun objet dangereux sur vous. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites avec cette bande de petits trous de cul? Il me laisse pas avoir des armes, et en plus ils sont vachement gentils. Mais en fait, Grushkov, notre capitaine, il m'a pris comme artilleur uniquement si je touchais jamais aux armes. Donc moi ça me va. Justement, en parlant de votre capitaine, là, est-ce qu'il s'agit du Jawa qui a réussi à s'enfuir avant qu'on ait pu vous appréhender? C'est le petit Jawa qui était au bout de la rue et qui a disparu. Nous n'avons pas réussi à le retrouver. C'est lui votre capitaine? Hey, les gars, il croit que c'est Matt, le capitaine. C'est moi, j'aime bien. C'est la première fois que vous me le faites, celle-là. D'accord, donc je suppose que ce n'est pas lui, mais vous le connaissez de toute évidence. Nous sommes sur lui, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que vous avez fait tout à l'heure, évidemment j'ai oublié de boucler cette putain de présentation parce que je suis un débile. tout à l'heure, nous vous avons appréhendé dans la rue après que vous ayez confronté et assassiné du membre de la confrérie de la confrérie des gardiens. Oh putain, du gang de la mort guavien. Tu vas y arriver, pépère. Oui, j'ai réussi à le faire. Donc, des membres du gang de la mort guavien qui sévissent un petit peu partout en ce moment. Hein. On n'est pas là pour juger de ce genre de morale, évidemment. Ce sont des personnes mauvaises que vous avez tuées. Mais tuer des gens dans la rue, ce n'est pas non plus quelque chose qui est accepté en fait par ici. Ici, les gens viennent pour se détendre au casino. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ici? Est-ce que vous veniez vous détendre au casino ou est-ce que vous veniez assassiner des gens? Moi, je dis, il faut que vous choisissiez au bout d'un moment. On peut se détendre en assassinant des gens au casino. Ah oui, c'est une autre vision de la chose, effectivement. Bon, bah, très bien, vous allez rester dans votre cellule et je reviens bientôt pour... Et c'est à ce moment-là que les lumières s'éteignent toutes et que les cellules, toutes les cellules, commencent à s'ouvrir une par une. Et ça fout un bordel pas possible. Votre cellule à vous aussi s'ouvre. Le flic devant vous sort son blaster et vous tient un joue et dit « Ne bougez pas, qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que c'est encore vous qui faites ça ?» Bah, tu nous as vu toucher quelque chose. Eh, fais gaffe derrière toi, là, il y en a qui s'enfuient, hein. J'avoue. Ok. Alors, très bien, on va pouvoir faire le premier test de Jeff, une Ellie. Alors, qu'est-ce que tu as comme compétence qui pourrait aller avec ce truc-là? Avec ce truc-là. Sachant que tout le monde pourrait aider. Alors justement, on va en parler. Moi, je dis, tu lui fous de la peinture dans la gueule. Ouais, c'est vrai, ça, ils m'ont pris de ma peinture ou pas? Merci, Fiche, qui s'est abonné. Merci. Merci, Fiche. Yes, I. Alors, je te laisse choisir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, je suppose que Funeli, du coup, prend... Mais pourquoi j'ai encore l'accent? Je suppose que Finelli, tu prends le. Prends sa bombe de peinture. Tu prends les devants et qu'est-ce que tu fais? Ça dépend de ce qu'ils m'ont laissé sur moi. S'ils m'ont pris que les armes et qu'il me reste encore mon truc de peinture, je vais essayer de lui spray dans la tronche. Non, ils t'ont pris la bombe de peinture aussi. Okay. Tout est dans la pièce d'à côté, tout votre équipement. Ika, il a offert des abonnements. Coucou. Ok, mais merci, est-ce qu'ils m'ont pris ma chemise à carreaux? Les salauds. Alors, je vais déjà sortir les dés. Vous voyez, oh, on peut voir les dés devant tout. Oh, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que tu as dit que tu faisais? Écoute, si j'ai rien sur moi, je vais juste lui faire un plaquage façon rubis, quoi. Voilà, avec Mandalorian, donc. Et... tout à fait, ma compétence Mandalorian. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent l'aider? Adrien, est-ce que tu veux tenter d'aider? Moi, je vais essayer de courir vers le garde, mais avec ma compétence maladroit. Avec un peu de chance, ça peut... D'accord. Est-ce que tu veux bien me lancer 3d6, s'il te plaît? Ouais, je lance ça. 3d6. Allô? Ok, 3d6. Moi, j'en vois que 2. Ah non, 3, 1. Ouh. c'est pas terrible. Tu commences à courir, mais avec tout le bruit qu'il y a derrière, il t'entend pas. Il faut faire un 6 hein, pour que ça puisse aider l'autre personne et lui rajouter un dé. Exime, est-ce que tu veux tenter d'aider? Moi je vais tenter un petit roulé-boulé dans les jambes du gardien de la paix. D'accord, avec ta compétence ou donc je suppose ton cliché. Ouais, c'est le plus logique. Donc 4d6 s'il te plaît. Et je les lance. Et tu as fait un 6, donc ça, Funeli, tu auras déjà au moins 5 dés pour ton test. Donc tu fonces dans les jambes du garde. Toi, Tuki, qu'est-ce que tu fais? Je regarde parce que je me suis battu dehors, maintenant je me repose, hein, faut pas déconner. D'accord, donc toi tu n'aides pas. Donc Funeli, est-ce que tu peux nous lancer, s'il te plaît, 5 dés pour ta compétence Mandalorian et beauté des culs. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la bagarre. C'est l'heure de la bagarre. 18, magnifique. Et moi, je vais faire un jet pour le garde aussi. Mais le bon nombre. Donc, tu as fait 18. Et le garde fait un super jet, mais avec 3D, donc ça ne fait que 15. Ce qui fait qu'il perd un dé. Et on recommence la bagarre. Donc... Ximnut arrive à le faire tomber et toi tu lui mets un chassé dans les côtes. Allez, vas-y, refais ton dé, ton lancer, toujours avec 5 dés du coup. Et encore 18. Très bien. Et face à 6, mais sur 2 dés. Je tente un bon coup de boule là. tu te mets à genoux, tu lui mets un coup de boule. Il a pas le temps de se relever. Il essaye bien de t'agripper, mais voilà. Donc là, il a fait un 2. À toi de faire ton dernier lancer de dés. C'est-à-dire que même si tu fais un partout, tu ne peux pas perdre. Voilà. Et du coup, comment tu le finis? Je le finis en lui mettant genre une gifle avec le dos de la main. Ah, oh, ça fait très mal. Et du coup, je vous ai même pas montré parce qu'il y avait plus de trucs, mais voilà. L'officier heureux que vous voyez actuellement à l'écran qui disparaît dans l'oubli pour toujours. Bien fait pour ta face. Le mec, il s'est pris un Ewok dans les côtes. Un Ewok sur la gueule, d'un coup de pied dans les côtes, un coup de boule et un revers, quoi. C'est ça. Et du coup, il tombe dans les pommes. Vous relevez. Et qu'est-ce que vous faites? Sachant que c'est le chaos partout. Hein. Dans la pièce d'à côté, il y a votre équipement qui vous avait été enlevé. Et la sortie est... Pas juste à côté parce que vous êtes dans le fond du commissariat, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, nos affaires. Bah ouais. Très bien. Donc ça me semble être une. Vous allez dans le couloir. Vous allez. Alors, il y a Nalzeb qui demande. Donc là, ils sont dans le commissariat de Canto Bight, hein, où ils sont Ils se sont battus avec, avec le gang de la Morgouavienne dans la rue et se sont fait appréhender. Et là, ils s'enfuient parce qu'il y a, toute l'électricité qui s'est éteinte. Donc, vous ne voyez pas bien, mais je suppose que Funeli peut voir et guider tout le monde avec, avec sa vision avec casque. C'est bien ça. Donc, vous récupérez votre, votre matériel. Alors, je vais montrer à tout le monde, vu que c'est sur vos fiches. Donc, Adrien, tu récupères évidemment ton morceau de grenade porte-bonheur, ton comlink cassé qui ne sert à rien. Et évidemment, t'as ton paquet de macarons au lait bleu. Et, non, et je les avais déjà sur moi, les paquets de macarons. Je les garde dans la main. Ah, tu les avais toujours dans la main. Bah oui, je vais faire au policier. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, pardon. Maître. Ximnut, tu récupères évidemment ta lance. Ta lance bâton électrique. Oh, joie! et ton kit des chants folkloriques de la galaxie, bien évidemment. Tuki, toi tu récupères ton Kyuzo pétard, donc ta dague, ton blaster, ton comlink qui fonctionne lui, et ton guide Michelin de la bordure extérieure, évidemment. Ton apo, tu l'avais toujours. Et Funeli, évidemment, tu récupères ton vibro-sword et ton blaster, ta bombe de peinture et la chemise à carreaux que tu noues. Je la repasse autour de ma taille. Hop. Est-ce que tu retires ton casque pour cracher sur le flic qui vous interrogeait ou pas? Non, je suis pas comme ça. Ah, d'accord. je crache pas sur les gens parce que c'est pas très geste barrière. Très bien. Je noue ma chemise tel Rambo qui noue son bandeau, tu vois. Du coup, j'aime bien quand tu fais ça. Funeli, toi qui es la seule personne qui peut voir vraiment dans la nuit là, et tu vois qu'il y a des gens qui se battent avec quelques gardes sur votre droite et sur votre gauche, c'est totalement vide. Par où vous décidez de passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de par où c'est la sortie? Ça faisait pas un rond et de toute façon on retournera dessus à un moment. Peut-être. Genre un cercle complet, le couloir. En tout cas, là-bas, il y a des gens qui se bagarrent. Là-bas, il n'y a pas des gens qui se bagarrent. Ouais, peut-être que s'ils se bagarrent, c'est parce qu'ils sont proches de la sortie. Ouais, c'est pas con. Pas impossible. Alors, je vous laisse voter. On a moyen de passer discrètement derrière, vu qu'il fait tout noir. Ils se bagarrent, on se glisse. Ok, vous voulez tenter ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le lead là-dessus? Enfin, vu que c'est Funeli qui peut, tu vas continuer en fait avec tes 5D de tout à l'heure. Est-ce que Tuki, tu veux ajouter de l'aide ou pas? Oui. Très bien. Tu veux utiliser quoi là? Parce que c'est un peu compliqué tes compétences, enfin tes clichés. Sans chaud, LinkedIn du crime, Google Maps et 30 millions d'amis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux tenter? Je vais y aller au sang chaud parce que comme ça, si ça dégénère, je serai... D'accord, donc tu te mets sur tes gardes, c'est ça, pour aider au cas où? Ouais. Enfin, tu lances 4D. 4D6, évidemment. 4D6. Ika qui dit Akab, mais dans les respect des gestes barrières, voilà, c'est exactement ça. C'est bon? En haut, tu peux juste écrire 4D6 et puis après tu cliques et tu fais comme si tu lançais. Voilà, c'est ça. Et tu as fait un 6, donc ça fait que, Funeli, tu as 6 dés pour guider le groupe. Je te laisse faire ton petit jet et nous dire comment tu passes pour guider tout le monde. Mais voilà, fais ton jet d'abord. 17. C'est pas fou, génial. Mais voilà, par rapport à... Voilà, c'est ça. Mais voilà, on va dire que par inspiration de mon entraînement mandalorien et des tactiques pour essayer de s'infiltrer et de faire des attaques à revers, on essaye du coup de longer un peu les murs pour se glisser. Je guide les autres pour essayer de se glisser et de contourner la bagarre pour passer derrière eux. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous passez dans quel ordre? Nelly en premier. Ça, ouais, c'est pour c'est guider sûr. Tout le monde, ouais. Ensuite. Moi. Ensuite, Tuki. Donc, vous passez tous les deux, c'est bon. Ensuite. Je propose d'être troisième, comme j'ai pas d'armes. Si les gens arrivent par derrière, je peux rien faire. Ok, du coup, je me propose de fermer la marche. D'accord. Du coup, Adrien, tu longes le mur. Le problème, c'est que comme tu vois rien, tu longes le mauvais mur en fait. Et tu te mets de l'autre côté et tu bouscules. Oh, mais quelle beauté! Tu bouscules un des gardes qui vous remarque pendant qu'il est en train de se battre avec les autres. Je fais juste un petit jet pour moi. Est-ce que je peux faire un jet de chance? Oui, tu peux. Tiens, tu vas faire un petit jet de chance. Moi, je fais mon jet à moi de mon côté. Ok. Vas-y, à toi. Alors. C'est 5D, c'est un malheureux. Toi, c'est 5D. Ouais. Okay, ouais, vas-y. Je pense, ouais. Attendez, j'ai pas mis ça. Ah, c'est peu. Ouais. C'est peu, mais c'est suffisant. Par chance, une des personnes qui se bat avec les policiers, en fait, fout une grosse patate au flic qui t'a remarqué, qui se cogne la tête contre le mur et s'endort. Mais je me penche vers lui et je lui donne un macaron, je pose un macaron à côté de lui. Qui se fait marcher dessus par un des brigands qui s'enfuit. Ouais, voilà, tant pis, j'aurais donné. Et donc tu passes, et Ximnut passe aussi sans souci. Vous continuez, et effectivement, la sortie était vraiment juste à côté. Vous arrivez dehors, et là, qui est-ce que vous voyez-y pas devant vous? C'est ce cher Matt. Coucou, Matt. T'aurais pu venir nous chercher, franchement. Matt, il est toujours mute. Non, je suis là. Matt mute. Putain. Vas-y. 12 outini, 12 outini. Vous cherchez. Comment? Je suis venu vous chercher, vous croyez que la lumière s'éteint comment? Vous avez pas payé la facture? Oh, mais t'as attendu à la porte. Après, tu sais, on est sous compte au guide, hein, c'est des gros radins, ça se pourrait. Très bien, vous êtes enfin réunis. Le truc, c'est que vous aviez entendu avant qu'ils étaient partis. Ils avaient réussi à identifier que vous faisiez partie du Faucon Millennial, hein, un petit vaisseau qui est garé sur le parking. Et qu'est-ce que vous faites donc pour le rejoindre? Est-ce que vous courez? Est-ce que Funeli y va avec... Mais non, t'as pas de... J'ai pas de jetpack. Est-ce que vous vous souvenez du chemin? Est-ce qu'il va falloir repasser par tout le commissariat? Tu crois qu'il est de l'autre côté? Ah, ce serait bien dommage quand même. Ouais, ce serait bien dommage. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est que d'un seul coup, vous entendez... Et qu'est-ce que vous voyez pas? Dans le ciel, le Faucon Millennial qui s'approche de vous. Tire un petit peu sur l'entrée du commissariat et vous ouvre sa trappe du dessous et apparaît T1BB, le droïde qui est le droïde de l'équipage et qui vous dit « Montez, venez avec moi !» Ah, on a enfin trouvé un utilisateur droïde. C'est T1, j'adore ce droïde. C'était un bébé. Et toi, oui. T'adores tout le monde. Vous montez? Bah oui. Oui. Quelqu'un pourrait me faire la courte échelle, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, je te file un coup de pouce. Super. Donc vous oui, rentrez. Oui, Matt aussi. Hein. Vous rentrez. Le premier qui me touche le mort, hein, je préviens. Je tu sais, on les porte par les aisselles là et on les pose, hop. C'est humiliant, mais c'est efficace. Vous rentrez donc dans le Faucon Millennial. Oh punaise, j'avais oublié cette image-là. Voilà, vous rentrez dans le Faucon Millennial, votre vaisseau adoré que vous aimez tant. Comment vous procédez? pour fuir de là, sachant que vous avez des flics au cul qui commencent à tirer depuis l'extérieur sur le vaisseau. Moi, je dis, on va peut-être dans une zone un petit peu à l'écart, et puis une fois sur place, on réfléchira à ce qu'on fait pour sauver le capitaine. Il faudra pas qu'on ait quelqu'un qui... Pardon. Vas-y, parle. Est-ce que vous pensez qu'avec les circonstances, je pourrais enfin toucher aux tourelles? Et là, avant que je dise tourelles, vous me coupez et... Non. Comment dire? Je pense qu'on va prioriser la fuite d'abord. Du coup, bon, Xenut, d'accord. C'est toi le pilote. Alors, tu t'installes dans le siège de copilote. C'était un bébé qui s'installe. Pourquoi c'est pas moi? Parce que c'était un bébé le... C'est moi, le navigateur. Ah oui, c'est vrai, pardon. Vas-y, tu... wesh. Et du coup, tu décides d'aller où? T'as une destination en tête, 10 minutes? Si vous voulez, je vous mets... Faudrait trouver quelque chose en lien avec les Quaviens. Je vous remets la map, si vous voulez. Ouais. Je vous remets la map. Qui... Comme ça, vous avez les environs un petit peu. Donc là, il y a l'Hôtal. Vous envolez. Vous voulez aller sur l'Hôtal? Ouais, prendre un bubble tea avant de voir comment on fait pour trouver le capitaine. Très bien. Quelques petits mails au run. Très bien. Et ben, vous allez aller. Il voit pas d'objection. Vous cool. Allez aller là-bas. Hop là, c'est parti. Regardez-moi cette magnifique. Ah, oh, trop bien! Temps à s'afficher quand même. Vous partez. C'est un vieux vaisseau. Vous partez. Ah, c'est trop joli. Vous arrivez. C'est un peu long par contre. Eh, moi pendant le temps du trajet, je vais faire un petit peu la cuisine et tout. Genre, je vais faire un petit truc parce que je pense qu'on nous a pas filé à bouffer dans le commissariat. C'est un peu de la merde. Je veux des macarons, il m'en reste pas. Et moi, ouais, non, c'est quoi, je vais cuisiner un truc. Ok. Nice. Et moi, en tant que guérisseur hippie, je vérifie que personne ne s'est après un mauvais coup pendant notre évasion. Très bien. Alors, tu regardes. Guérisseur, c'est avec quel truc déjà, c'est... Un seul dé. Un seul dé. Ben, vas-y, je te laisse faire ton lancer. Mais faut que je lance direct parce que faut pas. Enfin, je sais pas si quelqu'un a pris un mauvais coup en fait. Oui, non, mais c'est pour faire le. C'est avec ton truc de guérisseur, tu vas déjà regarder si quelqu'un a pris un mauvais coup. Ok. Tu fais un 2. pour toi, tout le monde est ok. en fait, t'oublies de regarder un petit peu en fait tout le monde. Déjà, t'oublies la moitié du coup. En fait, pas le temps pour. Tu regardes juste Tuki qui est juste à côté de toi, qui refuse que tu le regardes trop longtemps. 10 secondes, ok. Et je compte. 1, 2... Faut te dire que j'avais pas le temps pour le diplôme de pilote et de médecin à la fois. Mais tu t'en sors bien. Non, mais t'as essayé. Donc, maintenant que vous êtes là, vous allez pouvoir réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment vous vous êtes retrouvé à ce commissariat? En fait, vous étiez dans la rue, vous étiez effectivement là pour faire du tourisme, aller au casino et tout. Et quand vous étiez en pleine rue, il y a une partie du gang de la mort guavienne qui est apparue et qui a décidé de vous attaquer. Vous ne savez pas pourquoi. Ils avaient l'air d'être en colère contre votre capitaine et ils ont réussi à l'enlever. Et pendant que vous essayez de vous dépatouiller avec certains membres du gang, vous avez été arrêté par la police. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment retrouver votre capitaine? Moi, j'ai un gros carnet d'adresses pour essayer de voir un petit peu dans les coins habituels où vont ce genre de gang, où se retrouvent les personnes du crime... Si personne n'aurait vu passer un groupe avec un capitaine qui n'était pas le sien. Alors, ce serait un bon début, effectivement. Vas-y, je te laisse. Tu as donc LinkedIn du crime avec 3D, c'est bien cela? Oui. Je te laisse faire ton lancer de dés. Ouais, pas terrible. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, qui veut aider Tuki? Ouais. Vas-y. Avec un truc pas du tout tiré par les cheveux, totalement réaliste. Vas-y. Je vais utiliser du coup ma compétence de lesbienne. parce que voilà, on est réputé pour avoir des relations à très longue distance et du coup, tu vois, savoir un petit peu ce qui se passe parfois un peu loin dans la galaxie sur d'autres planètes et tout. Du coup, voir si j'aurais pas entendu parler de quelque chose en rapport avec ça. Une bien triste histoire. J'ai juste pécho la moitié de la galaxie, c'est tout. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Vas-y, je te laisse faire ton jet de 1D. Intérêt ouais. À être un 6, c'est un 3, donc tu ne sers à rien, personne qui sait quoi que ce soit. Déjà, il y en a plein qui ne répondent même pas, qui te laissent. Tu peux faire un jet de chance pour aider Tuki. Et évidemment, Adrien, tu peux faire un jet de chance. Tu as 5 si personne ne me répond, moi je vais aller casser des gueules parce que. Merde. Et tu ne fais aucun 6, donc ça ne fait rien. Et toi, Matt, est-ce qu'il y a quelque chose qui, tu penses, pourrait aider ? Matt. Alors de mon côté, oui, je suis là. Je vois pas trop ce que je pourrais utiliser chez moi. Tu connais pas des bars ou des trucs boisson, comme ça Ouais, c'est franchement, pour la boisson qui pourrait aider. Bah, ouais, tu peux faire le tour des bars. Mais... À des bars. Vous faites le tour des bars. Vas-y. Ouais, faut te prendre un petit peu de temps. C'est 3D du coup. Hein. 3D, ouais. 3D6, hein, pas 3D1000 comme la dernière fois qu'on avait fait. Ah, et tu fais un 6 qui ajoute du coup un dé au jet de Tuki. Cool. Et toi, Ximnut, est-ce qu'il y a quelque chose qui selon toi, pourrait t'aider? Ben moi, avec ma compétence Bel Canto, j'ai le réseau des chorales de la galaxie. Avec qui je pourrais éventuellement demander. Voilà, c'est surtout des personnes âgées, mais ils ont peut-être vu des trucs. Voilà, alors vas-y, je te laisse faire ton petit jet de 2D. Malheureusement, il y a des gens proches. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est super content de te voir, mais malheureusement, personne ne peut t'aider. Donc, je me sens inutile. Tu t'ajoutes un seul dé, donc ça te fait 4 dés pour LinkedIn du crime et je te laisse lancer. Ok. Et c'est un plutôt bon jet. Ça, en tout cas, ça pourrait être pire. à force de faire. Alors là, ça fait une semaine. Hein, vous avez fait le tour des bars, vous avez appelé tous les ex de Funeli. Vous êtes allé voir un peu des chorales aux quatre coins de la galaxie. Ça fait une semaine que vous bougez. Et là, il y a quelqu'un qui répond enfin à l'appel de Tuki. Donc, je te laisse répondre à l'appel. Bip, bip, bip, bip. Allô, Tuki. Ouais. C'est Frastenet. Ok, ça va? Ouais, ça va. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tu as rejoint un crew, c'est ça? Ouais. Ça tombe bien parce que on a entendu parler de ton capitaine qui a été enlevé. Je sais que t'as demandé à Kartas Taketes Fandabet si. C'est vrai. Ouais, s'il avait des pistes là-dessus. Et on a bien une idée. Donc, par rapport aux gangs guaviennes, en fait, ces derniers temps, on a quelques soucis avec eux. Ça m'étonne pas. Vas-y, raconte. En fait, y a une nouvelle cellule qui fait partie de ce gang-là qui s'est rapprochée, en fait, et qui s'est mise, en fait, aux alentours de Savarine. Tu sais, c'est là où il y a la plage et tout. Cool. Ouais, et le problème, c'est que du coup, ils sont sur une station spatiale et ils font des raids un peu partout, mais pas que auprès des civils, donc c'est un peu la merde. Non, Jean-Euseb, je ne vais pas épeler les noms, c'est impossible. Et quand t'es au téléphone avec moi, s'il te plaît, tu te concentres sur moi un peu. Du coup, sur Savarine, il y a un truc comme ça, et on sait qu'ils détiennent un prisonnier depuis à peu près une semaine. Un prisonnier qu'il recherchait depuis un petit bout de temps, en fait. Donc ils ont fait la fête et ils ont foutu un peu la merde dans les environs de Savarine. Ok. Je peux t'envoyer les coordonnées. Nice, vas-y. Ouais, bip, bip, bip, bip, bip, voilà, je t'envoie les coordonnées. C'est bon, j'ai reçu. C'est bon. Bah, à la prochaine, hein. Et oublie pas, je suis fasted. Ouais, ouais. Et la prochaine fois, écris un mail, hein, c'est plus rapide. Si je puis me permettre, j'ai entendu dire qu'à Savarine, il y avait des super photos de Fizzle. Ok. Bon, et les potes, on va à la plage. C'est incroyable, n'est-ce pas ? On y va, clairement. Du coup, vous pensez suivre la piste, là ? Bah ouais, enfin, tu veux qu'on fasse quoi ? Moi, je veux bien rester sur l'hôtel pépère, mais bon, le capitaine, il va râler après. ça fait une semaine que vous le laissez tout seul. très bien, et eh bien c'est parti. Je lance la petite animation. Vous partez. L'idée de revoir notre capitaine me remplit d'espoir. J'espère que quand on arrivera à le sauver, il arrivera enfin à comprendre qu'il faut me laisser tirer. C'est un peu suggestif ce que tu dis là. dans l'espace. Un peu dans le coin de Savarine. Rien ici. qu'est-ce que vous comptez faire justement par rapport à ça ? Vous voyez rien dans l'immédiat. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Bah, donc là, on a atterri. C'est bon. Vous êtes toujours dans l'espace. Ouais, on va poser sur Savarine, aller faire un tour à la plage, puis après enquêter. Je sais pas ce que vous pensez, les amis. Vous allez sur Savarine ? Non, en vrai, ce serait bien que vous pensiez à d'autres solutions sans sortir de votre vaisseau, s'il vous plaît. Ça va être trop long, sinon. on peut pas faire un scan pour savoir s'il y a d'autres vaisseaux dans le coin ? Oui, voilà, merci. Donc, vous scannez dans les environs et vous vous rendez compte que pas très loin de vous, il y a effectivement une station spatiale de taille, ma foi, fort modeste. Ça pourrait même être juste un gros vaisseau de marchandises, vous verriez pas la différence. Et vous remarquez donc qu'il y a un hangar, une entrée dans ce truc-là. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous approchez du truc ? Est-ce que vous leur parlez ? Ou est-ce que vous essayez de rentrer dans le hangar sans demander la permission ? Oui, vas-y. Je serais bien tenté de rentrer dans le hangar, mais on va peut-être les appeler d'abord en mode « Salut les copains ». Moi, je serais plutôt de l'idée d'essayer de s'approcher le plus discrètement possible pour l'effet de surprise. Ok, bah je te suis, moi ça me plaît. On pourrait leur demander s'ils veulent des macarons. Tu leur demanderas après quand ils auront leurs armes pointées sur toi, ok ? Ok, vous en voulez d'ailleurs ? Ouais. Ouais, moi je viens. J'en donne un à tout le monde. Merci. Très bien, donc vous les appelez ? Non, je pense pas. On va discretos. Vu qu'ils ont capturé le capitaine, je pense qu'ils n'ont pas de bonnes intentions à notre égard si on se signale avant d'arriver. Ok, alors du coup, je suppose qu'on va utiliser les compétences d'Ewok, de pilote casse-cou de Ximnut pour faire ça, pour que vous puissiez atterrir sans avoir de problème. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me semble bien. Ouais. Qui veut tenter de l'aider ? Adrien, est-ce que tu veux tenter de l'aider ? En tant que profondément gentil. En gros, genre je lui masse les épaules pendant qu'il fait ça. Il va faire un dé de chance. Non, mais s'il va pas faire tout le temps la chance, j'aime bien son truc. Ouais, fais-lui un petit massage avec tes... c'est bien aimable à toi. Attends, dis pas ça tout de suite, il a pas fait son lancer de dé, on sait pas s'il le réussit ou pas son massage. Et il le réussit bien, mais c'est pas suffisant, ça te détend, mais c'est pas suffisant pour te donner un boost. Matt, est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose pour l'aider? Avec Chamas, si je tombe, je te ferai quelque chose. What the fuck? tu vois, ça faisait ça ta voix tout à l'heure en off, Adrien. Putain. Mais lui, c'est pas exprès. C'est trop bon. Fais les Woutini. Woutini! Donc toi, tu veux essayer As du 6MP. C'est vrai que tu peux essayer de bouger un petit peu. Tu peux coller quelques trucs pour un pilote, quoi, si jamais il ouais, vas-y. Fais-moi un petit jet de 3D. Oui, en plus, ça marche. Ça marche. Tu bidouilles les trucs et tout. Et tu... Apparemment, tu arrives à améliorer la maniabilité du vaisseau, ce qui est vraiment super cool. Moi, je veux bien l'aider en le soutenant moralement, tu vois, j'ai le guide Michelin de la bordure extérieure, alors je lui lis un petit peu les coins sympas autour d'ici où on pourra se poser une fois qu'on aura réussi à récupérer le capitaine. Pas certain que ça aide, mais bon. tu lui parles, t'essayes de le tendre aussi à ta manière, vas-y, c'est quoi, c'est 3 hein. Non, c'est 2, c'est 2. C'est 2. Alors... Pardon, ils ont du mal à s'afficher, moi, les dés. Oh bah. Oh, c'est super. Du coup, tu sors ton livre et en fait, tu le sors de manière agressive, comme à peu près tout ce que tu fais, sauf que c'est t'as les mains qui glissent un peu et tu lui balances dans la gueule. Putain, mais c'est à cause des miettes de cookies, ça. Il m'a glissé des mains, pardon, mais... Du coup, heureusement qu'on n'est pas encore suffisamment proche. Bon, il aura quand même une grosse bosse demain. Tu vois, c'est pour ça que j'essaye jamais d'être gentil, ça finit toujours mal. Et toi, Funeli, est-ce que t'as... Merci d'avoir essayé. Funeli, est-ce que t'as une idée de comment l'aider? Ouais, alors moi, je vais utiliser mes deux points de cordon bleu pour lui préparer genre un bon petit café pour qu'elle ait les idées bien claires, tu vois. Vas-y. Vas-y. Si vous ont pas encore repéré, vraiment, vous avez de la chance. Ah, c'est un bon café, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du caf, mais pas du caf d'Andorre, en fait. Et du coup, il sent la différence et ça lui rappelle pas son enfance, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, il est bon quand même. Il est bon quand même, hein. C'était 10 sur 12. Hein. C'est plutôt pas mal. Non, quoi, c'est pas du café d'autoroute. Oui, je veux bien l'admettre. Du coup, avec ton pilote casse-cou, tu au lieu de faire 3D, tu fais avec 4D, bon, des minutes. Et que la force soit avec nous. Et tu fais 15. Très bien. Je fais mon jet pour voir si eux, ils arrivent à vous repérer. Donc tu avances doucement en faisant des manœuvres assez intéressantes que personne n'a vu jusqu'ici. C'est incroyable. C'est un secret d'Ewok. Vous arrivez dans le hangar, vous pénétrez, vous avez de la chance, il y a assez de place pour votre vaisseau. Vous atterrissez et vous rendez compte que personne n'a remarqué que vous n'étiez pas censé être ici. Il n'y a personne dans le hangar. C'est presque un peu insultant. Est-ce que vous êtes prêt à sortir ? Ouais. Eh bien, tout à fait. Ah ouais, moi j'ai réussi mon blaster, j'ai réussi mon épée, j'ai réussi ma chemise à carreaux qu'elle est bien attachée. je me propose de sortir en premier. D'accord, si tu veux, tu peux sortir en premier. Ok. Avec un peu de chance, il pourra attirer l'attention. Ouais, absolument. Et là, je lève mon morceau de grenade vers les copains et je dis, avec ça, j'ai forcément beaucoup de chance. Super. Ouais. J'ai mal à croire qu'ils soient encore vivants. Vas-y, alors. J'avance un peu. Il te met un petit chassé. Très bien. Vous sortez et vous voyez donc que c'est un grand hangar et vous avez deux sorties. Une sur votre droite et une sur votre gauche. Où est-ce que vous tentez d'aller? Vers quelle direction on était allé dans le, dans le commissariat? On avait été à gauche. Non, à droite. Vous étiez allé à droite. Moi, vous ne serez jamais allé à droite. Bah, on va à gauche cette fois, peut-être. Ouais, à gauche, c'est bien. Okay. Ouais, à gauche, c'est bien. J'ai pas de meilleure idée. Dans le hangar, évidemment, donc vous voyez qu'il y a plusieurs vaisseaux. Il y a personne, pas quelques caisses par-ci par-là. Il y a quelques caisses, mais elles ont l'air scellées, donc vous allez vers le. Mais c'est nous, ça c'est pas un problème, moi je peux les ouvrir. Je comprends rien de ce que tu dis, je suis désolé. Il a dit que c'était pas un problème et qu'il pouvait les ouvrir. T'es sûr que prendre le loot dès le début alors qu'il est dans le hangar, c'est une bonne idée? Ouais, on prend ça. Tu vas faire le loot pour capitaine? Moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Bah écoute, on charge 2-3 caisses directement dans le. On n'est pas obligé de les ouvrir tout de suite, hein. On peut les mettre les caisses dans le vaisseau et puis on les ouvrira quand on se sera échappé de là. Et puis si quelqu'un se pointe, on dit qu'on est en train de livrer, on fait l'inverse. Voilà. Nickel. Ce plan est infaillible. Moi j'y crois à ça. Ah, on livre des choses alors maintenant. Ouais, tout à fait. Moi j'y crois. Ah, c'est bien. Super, j'adore un alors, petit peu de peps. Matt, tu voudras faire ça avec quelle compétence? La système D. Ouais, très bien. Donc ce sera 3 au départ. Est-ce que quelqu'un veut l'aider? Moi je veux bien essayer d'utiliser ma lance Iwo comme levier. Ah ouais, bonne idée. Donc toi c'est ta compétence Iwo que tu vas sortir. Ta compétence Iwo qui ça fait combien? Ça fait 4. 4. Allez, je lance. C'est de 4D. Pourquoi ça s'affiche pas? Attends, ça s'affiche pas sur le stream, attends. C'est quoi le problème? Bon, en tout cas, j'ai loupé. Ah, ça s'affiche plus sur... Tout à l'heure, il y a tous les dés qui s'étaient affichés, c'était chaud. Ouais. Quelqu'un qui a bidouillé. Attends, je vais voir si ça marche, là. Est-ce que c'est revenu? Non, ça revient pas, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Ça a bien marché jusque-là. T'as mis au-dessus de tout? Comment? Tu as bien mis au-dessus de tout? C'est pas au-dessus de tout, mais c'est censé être au-dessus, ouais, de certains trucs. Non, mais c'est la capture de fenêtre en elle-même qui a un souci. Alors, attendez, je vais juste déplacer ça. Tu as fait 2, t'as fait un 6 ou pas? Non, j'ai fait un 4 au maximum. Bon, tu sers à rien. T'essayes bien, mais bon, bof. Je me sens inutile. Adrien, est-ce que t'as une idée ou est-ce que tu manges juste des macarons comme un... Bon, ouais, je mange des macarons et je les regarde en souriant. Moi, je veux bien essayer sans chaud, genre je pousse agressivement les caisses pour que ça aille plus vite. Oula, attends, qu'est-ce que... vas-y, fais ton test, je suis désolé, pour l'instant on peut pas voir... les dés, j'essaie de remédier à ça, vas-y. J'ai fait 17. Il y a un 6. Non mais, est-ce que t'as fait un 6? Il y a un 6, oui, pardon. Voilà, t'as fait un 6. Et ton 6, en fait, c'est la capture automatique, et c'est la capture de fenêtre qui fonctionne pas. Peu importe ce que je fais, ça s'affiche plus. Et si t'actualises ? Non, c'est, je sais pas pourquoi ça fonctionne plus. Ouais, surtout que ça marchait avant, c'est ça le truc bizarre. Ben ouais. Bon, c'est pas grave, on va essayer de garder le truc en tête, je continue d'essayer de modifier ça. Quelqu'un d'autre veut aider? Ouais, moi je vais utiliser Mandalorian et flex un peu les muscles pour essayer d'ouvrir, d'aider à l'ouverture des caisses. Quoi. Quelle puissance! Ah non, il pousse en plus dans le vaisseau. Vas-y, fais ton petit. Ah oui, pour pousser, oui, c'est ça. Et voilà, j'ai flex, j'ai fait 2-6. T'as fait vraiment 2-6, attends, je vais vérifier. Ouais. 5 plus 6 plus 2 plus 6. Incroyable. Ah oui, magnifique. Oui, effectivement. très bien, donc ça te fait Matt, ça te fait donc 3D supplémentaires sur ton test. Juste deux. Non, parce que il y avait quelqu'un qui en avait fait un de 6 avant. Moi. Voilà. Ah d'accord. Et du coup, désolé, j'avais mis ça, mais vas-y mon petit Matt, et je sais pas. Non, pourquoi, non, Ma compétence, si tu me défais 3, l'urgence, c'est ça. Ouais. Pas mal. Presque le maximum. Ça fait combien? 27. Limite, ça, les caisses se téléportent. T'as fait 27. 27. Ah oui, c'est un super jet. Tu fais 4, 4, 4, 5, 5, 5. Magnifique. Ok, bah tu ouvres le truc et tu te rends compte qu'en fait c'est juste des petites des babioles en fait, pas très intéressantes. C'est surtout de la récup en fait, des bouts de ferraille et tout. Mais en tant que Jawa, tu devrais être méga content. C'est de la merde. On va en tirer. Est-ce que vous emmenez les caisses dans le vaisseau du coup avant de partir à l'aventure? Je sais pas si on a besoin d'un poids mort comme ça. Ouais, j'ai un peu la flemme. Il est suffisamment compliqué à conduire comme ça. Non, c'est bon, laisse ça, c'est la merde. T'es pas comme ça, t'es un bon pilote. Ah, merci. Ok, très bien. Donc, vous allez. Vous aviez dit à la gauche, donc en fait, c'est en bas de. Map. Vous arrivez dans un couloir qui fait un peu du zigzag. Vous avancez dedans. Il y a. Oh, attendez, j'ai pas mis l'image de couloir. Voilà, donc ça fait des zigzags. Vous avancez. Quel magnifique couloir. Et d'un seul coup, vous tombez sur deux Guavian. Donc sur l'image il y en a 3, mais vous tombez sur 2 Guavian qui vous disent « Oh, hey, arrêtez-vous! Vous êtes qui ?» On est les livreurs. Bonjour. Vas-y, fais ton... On a ramené plein de caisses de merde. Alors, vas-y, nous venons vous livrer les caisses. Attends. Attendez. La merde. Tous les deux, vous allez faire chacun votre tour un petit jet de dés. Mon petit Matt... Vas-y, essaye de... Tu veux utiliser quoi? Ton sens de la répartie? Mon sens de la répartie... Il est un peu particulier, bon. Mon sens de la répartie... Ouais, je pense... Mon penchant pour la boisson. Je vais passer par un mec fou avec qui on peut pas trop discuter. Un peu trop pété. Vas-y. C'est insupportable de pas avoir la capture de fenêtre, là. Sérieux? On est des livreurs. Vas-y, lance tes 3D là. T'as pas lancé tes dés. Quand ça veut bien. Voilà. 11. 11, c'est bien. Très bien, du coup, les gars, ils te regardent. Pourquoi et... 11 ? Ils te regardent et tu fais... Enfin, ils regardent les autres, ils font... Il va bien, votre ami, là? Il est venu ici, pourquoi hein? Non, mais vous inquiétez pas, il peut être bien pire que ça, d'habitude. Ah ouais. Bon, par contre, vous avez rien à faire ici, hein. Je sais pas comment vous êtes arrivé chez nous. Vous avez rendez-vous avec le boss ou... J'ai une question. Bah en fait, vu que notre ami là, il aurait besoin de se dégriser un peu, vous sauriez pas où sont les cellules par hasard? Les cellules? Vous voulez pas plutôt aller en medbay? Non, non, il faut l'enfermer quand il est comme ça. Non, je vais aller dans l'endroit où on fait pipi. Ok, vous allez devoir essayer de me faire un jet pour ça, parce que faut arriver à les convaincre. Qui prend le lead? Et avec quelle compétence? Moi, je dirais Tuki, comme elle a... les gangs, ça la connaît. Ouais, j'avais envie d'utiliser l'icône du crime en mode... Ah bah oui. En mode au pire, je fais des drop names. Vas-y, donc c'est à la base, c'est 3. À la base, c'est 3. Comment vous comptez les dés? Alors, comment il s'appelle, Matt, tout à l'heure, il a fait un 6, donc je vais considérer que t'as déjà un dé de plus. Qui d'autre? Là, comme ça, je vois pas trop ce que je pourrais utiliser qui conviendrait à la situation, moi, perso. Ok. Funeli? Je vois pas trop non plus ce que je peux faire pour aider à... C'est compliqué. Ok, et toi, Adrien? Moi, je veux bien tenir Matt pour pas qu'il s'effondre... Enfin, pour faire semblant de pas qu'il s'effondre. Avec une compétence gentillesse. Ouais, vas-y, fais-moi ton petit... Je suis désolé hein, qu'on puisse pas voir les dés, tout le monde. Ça me stresse de ouf. Ça fait deux jours que ça fonctionne. T'as que deux dés, normalement. Ah oui, bien, pardon. Il y a pas de 6. Ouais, toujours pas de 6. Ouais. Là, t'as fait 6, mais avec deux dés. Ouais. Bon bah du coup Tuki, toi tu te débrouilles, Matt il est tellement dans son rôle qu'il commence à vomir sur Adrien et malgré toute sa gentillesse il est pas content que ses chaussures soient un peu salies. Ah non, ça me dérange pas. Ok, là, je lance mes 4D alors. Si ça veut bien. Vas-y. 13. Ouais. Très bien, moi je fais mon petit truc. Vas-y, je te laisse faire ton petit discours. Oh. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ben déjà, on voulait aller en vacances à la plage. Mais il y a l'autre casse-couille bourré là, qui menaçait de gerber dans le vaisseau, on n'allait pas le laisser faire. Et j'ai entendu parler de votre petit coin à vous, et de vous avec... vous savez... Le 75 sur la base rouge. Bref, on m'a dit que du bien de vous, dans le sens de vos affaires criminelles. Vous êtes doué, vous avez une bonne réputation, on s'est dit, vous pourriez nous aider pour faire une petite escale. Juste foutre ce connard là dans une cellule. Nous on pose pas de problème, on peut attendre dans le vaisseau. Ta gueule. Et puis voilà, on peut même faire une partie de sabac tous ensemble, si vous aimez ça, y'a pas de soucis. Sinon, nous on est discrets. Vous avez vu, on est tous petits presque. Y'a pas de soucis. Moi je suis pas grand. Je peux jouer aussi. Vous savez, entretenir son réseau, ça peut être sympa. Vous devez me connaître, j'ai une réputation. Ouais, il y en a un des deux qui regarde Matt de travers, mais c'est pas des casques hein, c'est pas des casques monsieur, c'est nos têtes en fait. Si vous voulez, on vous laisse dans la cellule avec, vous faites ce que vous voulez. Nous du moment qu'on le récupère sobre, bon. Pas de souci. Très bien, Le truc, c'est que je pense pas que vous ayez droit d'aller jusqu'aux cellules. Donc, écoutez, on a ce qu'il faut en fait en medbay. Donc, vous pouvez venir avec nous. C'est vraiment juste à côté. Okay. Et il commence à vous montrer le chemin au bout du couloir. Est-ce que vous les suivez? Je peux faire un jet de maladresse. Si tu veux. C'est 3, hein. Je sais pas, je l'ai pas là sous les yeux, juste un truc. Ouais, c'est 3. Ouais, c'est 3. J'ai fait 11. Ça fait 11. Avec un 6. Très bien. Mais en fait, tu voulais faire quoi? Je sais pas, foutre la merde. Ok, on garde ton jet pour tout à l'heure. Vous les suivez, vous rentrez dans une salle qui a l'air d'être une salle de sécurité. qui a deux sorties. Ça. Comment? T'as une mètre deux, ça? Moi, je voulais faire pipi dans la cuve à Bacta. Non, mais en fait, un des gardes qui se retourne vers toi, il dit non, non, mais c'est juste à côté. Vous voyez qu'il y a deux portes, une en face et une du côté droit. Et vous vous dirigez vers celle du côté droit. Et il y a trois autres gardes, ce qui fait qu'ils sont cinq là. Et il y en a un d'entre eux qui vous arrête. Il fait: qu'est-ce que vous faites là, les gars? Où est-ce que vous les avez? Ouais, en fait, il y a celui-là. Il est bourré. Et je sais pas ce qu'il va faire. Et il a vomi sur son pote. Et c'est trop bizarre. Du coup, on va leur filer un truc et on va essayer de les dépouiller. Ou vous deux, vous pouvez aller fouiller leur vaisseau, parce que je pense pas qu'ils soient arrivés ici à pied, ok? Donc là, il y en a deux qui commencent à partir là d'où vous venez, pendant que les deux que vous avez vus continuent leur chemin vers la porte de ce qui vous pensez est le Medbay. Est-ce que Funeli et moi, on peut suivre les deux qui se cassent? Ouais. Vous pouvez tenter. J'ai oublié un truc au vaisseau. Putain, t'es vraiment maladroit, allez, je viens avec toi. Ouais, ok, c'est bon. Très bien. Est-ce que vous avez une compétence, vous pensez sûrement avec sang chaud pour toi? Ouais. Adrien, tout à l'heure, quand il a fait un... Quand il a fait son gène maladresse, il a fait un 6, du coup t'auras un dé de moins. Oh, d'accord. Hein, et toi, est-ce que tu... Ben écoute, ça marche comme j'ai envie, ok. C'est toi qui décides. C'est exactement ça. Funeli, est-ce que tu veux faire quelque chose pour aider? Pour aider à quoi, en fait? J'ai pas compris. À faire semblant de partir. Pour pouvoir suivre les deux autres gars. Bah, en fait, on fait pas semblant de partir, on part de vrai, du coup. Non, mais je veux dire, pour partir, oui, est-ce que tu veux faire quelque chose? En fait, il va y avoir besoin d'un test pour que vous pour puissiez... Pour que les mecs remarquent pas qu'on se casse. Pour ah vous, ouais. Sachant que... J'ai dit, ils sont 5, hein, c'est ça? Ouais. Je vais utiliser cordon bleu pour faire genre... Ah mince, je crois que j'ai oublié un truc sur le feu, merde. Vas-y. Vas-y. Fais ton petit cordon bleu. Et tu fais 5, pas de D6. Donc tu fais 2D... non, 3D avec ton sang chaud, c'est ça? Ouais. 3D avec ton sang chaud, vas-y, il faut que tu fasses mieux que 15 parce que c'est le niveau des gars à côté par rapport à leur awareness de ce que vous faites. Et c'est 3-1, sachant que 1 c'est un échec critique. Donc c'est un échec critique, tu te retournes, tu en bouscules un qui te tire dans le pied. Et tu perds un dé dans la compétence que tu veux. Tu perds un dé. Oh. Bon bah adieu, 30 millions d'années. Ok, donc tu as... Non mais par contre, si tu arrives à zéro à celui-là, tu pourras plus du tout l'utiliser après. Hein. Ah merde. Parce que là c'est temporaire, mais si t'en as une qui tombe à zéro, tu peux plus du tout l'utiliser et... Bon bah je vais faire sur Google Maps. D'accord, donc Google Maps t'as moins 1. Tu te le notes quelque part? Ouais, j'ai noté sur la fiche. Très bien. Les gars, merde. Vous pointent. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que Tuki là est hors jeu avec sa blessure dans le... Comment ça je suis hors jeu? C'est juste une patte de poulet. Pendant un hein, tour ça... t'es hors jeu. On va faire le tour. Funeli, toi tu étais le plus devant. La bagarre avec Mandalorian, je suppose. Vas-y, venge-moi. Tout à fait. Ouais, carrément. Là, je sors mon épée, je chasse. Hein. Très bien. Tu sors ton épée. Surtout celui qui a tiré là, celui qui a tiré. Les autres, est-ce que vous voulez aider, c'est-à-dire essayer de faire un jet pour avoir un 6, ou est-ce que vous voulez faire vos propres jets de votre côté pour attaquer d'autres gens? Moi, j'aide. Toi, pareil. Tu aides. Vous aidez, en fait. D'accord. Et Ximnut ? Alors, comment ça marche, là ? Est-ce que tous les Guavian, ils attaquent est-ce qu'on les considère un par un ou leurs on attaques, les font tous en même temps ? On les considère en groupe. Ils représentent tous un dé et... Moi, ouais, j'aide aussi. Je me lance dans un chant, chant traditionnel. Dans un chant. T'es sûr ? La bagarre ! J'ai changé d'avis. Voilà, j'utilise ma super lance. Lance que ma maman Ewok m'a donnée avant que je parte à l'aventure. C'est magnifique. Je lance. Que du bonheur. Et tu as fait un 6, effectivement. J'espère que quelqu'un s'est souvenu des autres. Ouais, mais je... Non, finalement, j'attaquais tout seul. J'utilisais ma compétence. Ah, t'attaques tout seul, d'accord. Mm-hmm. Ouais, bah tant pis, je voulais l'aider s'il attaquait tout seul, mais... Du coup, tu en t'attaques quelqu'un tout seul, toi, de ton côté. Avec ma lance bâton... Ok, Adrien et Matt, vous aviez fait vous lancer, je me souviens plus, du coup. Non. Très bien. Adrien, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah du coup, est-ce que Matt aide Funeli ou est-ce qu'il attaque de son côté ? Non, j'aide Funeli, moi. Ouais, alors... Bah, je vais aider Funeli aussi, alors. Vas-y. Tu choisis quelle compétence ? La compétence chance. La compétence chance, c'est 5D. Vas-y, mon petit bonhomme. 5D6, et je fais très exactement 22 avec... 2-6. Oh. Donc 2-6. Très, très chanceux pour le coup. De ton côté, c'est très bien. Ça, c'est la bonne chance. Ensuite, Matt, à toi, qu'est-ce que tu vas faire ? J'utilise mon sens de la répartie et mon blaster T21 à canon ski. Ton sens de la répartie qui est de tirer dans les zizi des gens, c'est ça ? C'est ça, parce que sont à hauteur de mon visage. Vas-y, fais-nous ton petit test là. Je suis désolé pour la prochaine fois. 3 et 2. Ah, c'est dommage, heureusement que Adrien fonctionnait bien. Tu quittes, toi, tu pourras réaider au prochain. Mais okay. Funeli, du coup, tu te mets 2. Donc t'as 6 dés face à 4. Parce que je vais vous expliquer. J'aurais pas être à leur place. Donc. Vous m'avez pas expliqué d'ailleurs ce que vous faisiez comme action, Matt et Adrien, je vous laisserai expliquer après. Je tire sur le même mec que Funeli, en fait. Oui, d'accord, oui. Et Adrien, toi ? Moi, je fais rien. Mais chanceux. Mais j'ai de la chance, donc je... je dis genre, attention, Funeli ! Et genre, Funeli se baisse et il y a un tir de blaster qui arrive là où... Voilà, allez, vas-y, Funeli, fais ton jet. C'est l'heure de la bagarre. Waouh, c'est la bonne bagarre. Non, t'as fait combien ? Je vois pas, ça c'est... 20. Total 20. 20, 20, d'accord. Et moi j'ai fait 17. Face à vous, ils font 19. Ouh. Très bien. Donc, là, je pense que grâce à l'avertissement, j'esquive juste, quoi. Vous leur tirez dessus et Matt tire un petit peu à côté, mais Funeli arrive bien à tirer en criant « Stop le zizi !» qui tire sur le... Effectivement, ah non, moi j'y vais à l'épée. Oui, c'est vrai. Donc tu découpes le zizi. <qui le font là-dedans. rire> Tu découpes le zizi d'un gars qui tombe au sol. Ouais. Et toi, de ton côté, donc tu avais fait combien 17. Et du coup, t'en as un qui est tout seul face à toi, qui fait 6, ce qui fait que... C'est très bien, il fait une magnifique esquive, sauf que il a quand même fait moins que toi, donc il a fait une réussite critique, mais c'est pas suffisant et tu l'empales après qu'il ait esquivé ton premier coup de manière magnifique. Donc vous avez plus que 3 personnes face à vous. Ximnut, est-ce que tu veux continuer d'être tout seul ou est-ce que tu veux apporter de l'aide à Funeli, du coup faire le combat de groupe ? Ma rage d'Ewok n'est pas assoiffée. Ça veut dire donc quoi, je continue. Donc tu continues. Est-ce que je peux changer, moi, du coup, et aider Ximnut à la place de... Tu trompais de Funeli ? Non, c'est trop tard. Ça fait partie du truc. C'est juste que lui, il a battu la personne face à laquelle il était. Ok, d'accord. Et toi, tu peux y aller maintenant. Donc Qu'est-ce que tu vas faire? Il reste combien de gens là? Il reste combien de gens? Il en reste 3. 3. Celui qui m'a tiré dessus, il est comment? Il est toujours en face de toi, ouais, il est en train d'essayer de tirer sur Funeli. Ok, donc moi j'y vais au blaster, parce que bon, je me suis pris un coup dans le pied, même si j'ai pas de nerfs dans mes pattes, ça fait chier quand même, quoi. Donc je prends mon blaster et je vise sa tête. Vas-y, fais un... Sans... Ah, du coup, tu fais à toi tout seul. Ouais, non. Toi tout seul ou tu t'ajoutes au groupe, en fait? Si j'ajoute au groupe, ça ajoute tous mes dés ou juste le si je fais un 6? Juste si je fais un 6. T'ajoutes juste un 6, mais... Oh, bah, je fais moi tout seul, alors. Je suis vénère. D'accord, vas-y. Alors, 4. Juste 2 secondes, parce que moi, l'écran des dés plante tout le temps. Voilà. J'ai fait 11. Et 11, et eux en face, eux ils sont toujours groupés, donc ils sont toujours 3. Et ils font 12, donc tu perds un dé. T'essayes de lui tirer dessus, sauf que t'es vraiment contre lui, et le truc c'est que tu arrives pas à viser de près, t'as pas tes bonnes lunettes. Ah mais j'étais contre lui ? Oui. Ah mais je croyais que j'étais loin, sinon j'y serais allé à la dague. Bah ouais, bah tant pis pour toi. Putain. Du coup, tu perds un dé pour le prochain tour. À toi, Funeli, de lancer, je sais. Oui, t'as toujours ton truc. Vas-y, tu as toujours 5 dés, c'est ça? 5 ou 6? 6. Vas-y. Et bah c'est reparti. 16. C'est 16. 16, c'est bien, 16, et eux ils font 10, avec Matt arrive à tirer dans le bras de l'un d'entre eux, et tu en profites pour lui couper la tête. Prends ça, bâtard. Il reste plus que celui qui est collé à Tuki, et un qui est à côté d'Adrien. Comment c'est à Ximnut. Ximnut, que fais-tu? Sachant que celui qui est face à Adrien, c'est celui qui est le plus proche. Et donc moi, voilà, je retire ma lance de la poitrine du mec et j'utilise le manche de la lance pour essayer d'en assommer un avec. D'accord, donc tu fais ça. Vas-y, fais ton petit jet de dés. Force, saute avec moi. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 9. Et les deux en face de toi, ils font un 7, donc tu arrives effectivement à l'assommer. Donc, celui qui était juste à côté d'Adrien. Adrien, un commentaire? Ouh, ça doit faire mal. Et après, je m'assois dessus. À toi, Tuki. Il reste plus que celui qui est contre toi. Bah là, je sors ma dague. Ouais, vas-y. Bide. 3D, hein, pas... Ouais. Je suis pas très à l'aise pour le combat allongé. Trop près du sol. Je fais 10. Ça fait 10, et lui, il fait 2. Et donc, tu lui tranches la gorge, il tombe au sol. J'ai dit que je visais le bide. Ah oui, pardon, tu lui plantes dans le bidon. Et y a un liquide un peu noir qui sort, il tombe au sol. Et il est dans les pommes pour l'instant. Vous avez gagné votre combat. Tuki, tu peux reprendre tes stats d'avant. Sauf Google Maps qui reste à 1 pour l'instant tant que tu n'es pas soigné. Ce qui tombe bien, c'est que y a une porte en face, mais celle vers laquelle vous alliez, c'est celle de Medbay. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit les autres. Est-ce que vous allez là-bas ou est-ce que vous allez à l'autre porte? Ou alors, est-ce que vous faites autre chose? Je pense qu'on se la met bas et puis Matt, est-ce que t'as envie de pisser pour de vrai ou... Ouais, toujours, ouais. Il y avait la salle sécurité là, quand on est allé à... quand on non, est c'est là où c'est on celle est. Dans laquelle vous êtes, en fait. On peut pas essayer de voir un plan du vaisseau ou voir les entrées du vaisseau, voir s'il n'y a pas notre capitaine dans une cellule. Les caméras et tout. Exactement. Très bien. Moi j'ai une suggestion. Ouais. Le mec que Xignut a assommé, on peut pas lui demander ce qui. Enfin, où est notre capitaine? Bah, il est assommé quoi. Ouais, mais je suis assis dessus. On va trouver quelque chose pour le réveiller dans la medbay. Bah, au pire, mais les Gavians, ils sont pas à moitié cyborg. Bah, pisse-lui dessus, ça le réveillera. Si, en fait, le truc c'est qu'il est. Il est assommé, c'est-à-dire qu'en fait, il lui a brisé le là où il y a son processeur et tout. Il est assommé, mais en vrai, il est mort, quoi. Mais je peux peut-être accéder à la mémoire, je suis un as du système D. Bah oui, vas-y, okay, fouille dedans. Du coup, toi, tu peux faire ça, mais qui est-ce qui... Est-ce que quelqu'un veut essayer de regarder s'il y a la map et tout dans le... Il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu en informatique, là, parce que moi... Oh, oui, ça peut le faire. Alors qu'en fait, non, hein, je fais juste des clics n'importe où. Moi, je vais essayer. Moi, je me propose d'aller essayer de soigner Tuki dans la medbay. Ah, ok. Ouais, ok. Moi, je vais surveiller qu'il y ait personne d'autre qui arrive. Ok, donc Funeli, tu montes la garde. Tuki, toi, tu vas avec Ximnut ou pas? Ouais, mais c'est bien parce que c'est toi. Très bien. Je suis honoré de votre confiance. Donc vous sortez de là. Mon petit Matt, tu vas me faire un test de système du D, coup, as du système D pour récupérer le processeur du. Enfin, la mémoire surtout en fait. La mémoire à l'intérieur de l'autre. Et si tu trouves des trucs embarrassants, tu partages. Avec. Non mais voilà, tu comptes tout seul, c'est 3D. Ouais, et j'ai fait 7. Et t'as fait 7. Ok. C'est nul. Bah ouais, c'est pas évident, ils sont compliqués les mecs. C'est nul, mais t'arrives en fait à la sortir, mais elle est pas en bon état en fait. Hein. Ça fait partie des trucs qui ont été cassés par le gros coup de lance de notre cher Ximnut. Je connais pas ma force. Toi, Adrien, tu t'approches de l'ordinateur central là, de la salle. Qu'est-ce que tu fais, mon petit bonhomme? Qu'est-ce que tu utilises? Eh ben c'est simple. Il y a des boutons, ça clignote. J'appuie sur tout, sans faire gaffe. Lance-moi 3D. 3D, ok. En espérant que ça passe. Attends, j'ai pas vu. Oh, pardon. V7, 2D1 et 1D5. Ouais. T'appuies sur un petit peu tous les boutons au hasard et tu arrives à faire clignoter les lumières dans la pièce. mais c'est le meilleur truc que tu arrives à faire. Je me retourne vers Ximnut et je fais. Fallait que je fasse quoi déjà? Ximnut est sorti. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, je suis là en mode. Fallait que tu essayes de nous montrer genre la carte et de trouver notre capitaine en fait. Bah, attends, je suis pas tout seul dans la pièce là? Non, moi je suis là parce que je monte la garde. Voilà, Funeli monte la garde, il y a Matt qui est en train de looter le cadavre pour rien. Ah oui, je pensais à Matt tout à l'heure, j'ai dit. Il pisse de l'huile de partout, c'est un bordel. Du coup, je fais ah. Et voilà. Tu te lèveras les mains en sortant. M'essuyer sur ma robe, ça marche très bien. Très bien. Du coup, vous restez là ou vous allez rejoindre les autres en medbay? Tu sais, ce serait pas une mauvaise idée de me filer un coup de main avec. Je sais qu'on a un chimiste et une cordon bleu. Éventuellement, ça pourrait me filer un coup de main pour booster un peu ce qu'on trouve dans la medbay. Bah, je vais venir la désinfecter avec mon alcool. Allez. Ah non, mais moi je peux faire Mandalorien parce que nous les Mando on recoue des blessures à vif. Très bien. allez-y, vous allez dans la pièce d'à côté en medbay, effectivement. Il ne mentait pas, c'est bien ça. Tu inspectes Tuki, tu veux bien me faire un petit jet, mon petit bonhomme Les autres sont pas encore là. Les autres sont pas encore là. C'est quand vous êtes encore tous les deux. pour le coup, que je regrette d'avoir mis qu'un seul point là dans cette compétence. T'inquiète, j'ai vécu pire, hein. Je vais pas rechercher pour quadruple homicide pour rien. Soudainement, je suis moins. Alors, rassuré. Tu fais ton petit jet. Ah, t'as fait 3. Ouais. 3. Ce serait bien de me le dire parce que, comme le truc s'affiche plus en fait, je le vois pas forcément. C'est vrai. Donc tu fais 3, tu regardes et oui, il y a un trou. Je crois que tu t'es fait tirer dessus ici. Mais le truc c'est que Tuki en fait a des pieds d'oiseaux, hein, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, tout le monde. Sauf ceux qui écouteront juste à l'audio. Mais voilà, Tuki a des pieds d'oiseaux et en fait sur un des doigts il y a une éraflure en fait. Mais ça a pas l'air très grave. J'ai dit que j'avais vécu pire, j'ai des pieds de poulet là. Qu'est-ce que vous faites tous les deux pour guérir le truc de Tuki? Moi je désinfecte avec ma flasque de whisky corallien. Non mais toi t'es pas encore là toi. Bah je viens après. Vous êtes dans une maître baie, hein, donc vous pouvez vous servir de tout ce qu'il y a, hein. Bah justement... justement, en fouillant, je finis bien par tomber sur quelque chose, Vois qu'il y a des réserves un petit peu la blessure. De steam, des trucs comme ça, des trucs de soins assez basiques, hein, mais qui fonctionnent. J'utilise mes champignons suspects pour faire un onguent, et je bande ça avec du gaz que j'ai trouvé. Très bien, bah vas-y, tu fais ça. Allez. Fais les bruits, allez. Là, je réduis les champignons en poudre. Ensuite, là, je l'étends sur la blessure. Il veut vraiment que ça nécrose bien. Là, je mets le gaz autour. La gaz, pardon. Maman, il met le gaz, il pète dessus. Tu peux pas comprendre, c'est des techniques Ewok. Très bien, Tuki, tu récupères ton point en Google Maps. Les autres arrivent. Je vous ai pas dit à quoi ressemblait la salle. Donc il y a la pièce d'où vous venez et en face, rien du tout en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas l'air d'y avoir de sortie, c'est un cul-de-sac. Attends, tant qu'on est en medbay, est-ce qu'on peut pas chourer un peu des trucs de soins, si jamais on en a besoin plus tard? Des steam, carrément. Ouais. Ils font des pansements au bacta, des trucs comme ça, ouais. C'est con. Oui, ben dans la limite du stock disponible, hein, vous pouvez prendre genre un steam chacun, par exemple. Vous pouvez, parce qu'il y en a pas mal, quoi. Ok, cool. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de boire des médicaments ou des trucs comme ça, Matt? Ouais. Non. Non, ça va. J'ai envie de faire pipi. J'ai pas envie de boire. Très bien. Moi, ouais, je vais bien. Bon, alors du coup, vous prenez tous un Steam en plus. C'est pas STIM, Steam. Si. Ah, si peut-être pas. Si, STIM. et du coup, vous allez où? On fait demi-tour. Il semble qu'il y avait que deux accès. Il y avait trois. Il y avait le hangar d'où on vient, la medbay et le troisième qu'on n'a pas fait. Donc je propose qu'on aille vers cette troisième pièce qu'on n'a pas visitée. On n'a pas trouvé d'infos sur le capitaine dans le robot là. Non, il y avait. Non, j'ai pas réussi. C'était trop la merde à récupérer. C'était tout cassé. Est-ce qu'on peut pas? Il y a pas des ordi avec des trucs? Il y a pas un service de support qu'on peut appeler? Il y a des ordi dans la pièce, on peut pas regarder un peu. Adri a appuyé sur les boutons, elle a fait pif paf pouf et a tout cassé aussi. Alors, il a clignoté les lumières, il a rien cassé. Voilà, à ce moment-là, vous ouvrez la porte et vous remarquez que les lumières clignotent toujours. Hein. Juste de cette salle-là, c'est tout. Ah, c'est festif. C'est quand même vachement joli. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Du coup, vous allez dans le couloir en face, qui est assez simple. Hein. Il tourne à droite, puis à gauche, et il n'y a qu'une seule sortie. Alors ça, pour le coup, c'est un couloir avant un boss de jeu vidéo. Moi, j'attends de voir Ben Solo glisser en... au fond. Là. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais, ça ressemble au couloir où il glisse. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Très bien. Vous entrez ou vous examinez la porte ou qu'est-ce que vous faites? Bah, on rentre. On va pas toquer, hein. D'accord. Bon, bah, vous ouvrez. Vous ouvrez et vous tombez sur la salle de contrôle de l'endroit. Attendez, je trouve plus le bon anglais. Vous trouvez la salle de contrôle de la station. Il y a plusieurs personnes qui ont pas l'air d'être dans la tenue des Guavian. Ce sont juste des personnes en tenue d'ingénieurs qui sont là qui s'affairent sur des petits écrans, sur des petites consoles, quoi. Salut, tête con. Il y en a 5 encore. Donc voilà, il dit salut tel con, il y en a un seul qui lève la tête et qui vous demande, mais bonjour, c'est pourquoi... On vient chercher un prisonnier. Ah oui, le prisonnier, oui. Mm-hmm. Sauf que le boss, il a pas du tout dit qu'il y avait quelqu'un qui devait y aller. Là, il y en a un deuxième qui lève la tête. Parce que c'est top secret. Et les sbires comme vous, pas censé savoir les secrets. Ah bon? Bah ouais. T'es mouché là. Mais vous faites partie du gang ou comment ça se passe? Pourquoi ils vous ont laissé passer les autres? Parce qu'on a fait un deal. On a payé pour le prisonnier et maintenant on veut le prisonnier. Très bien. Est-ce que tu veux bien me faire un test Tuki en... Comment ça s'appelle? En cuisine du crime. Ouais, LinkedIn d'une crime, s'il te plaît. Non, en sang chaud. Sang chaud, ah, ok. Est-ce que je peux l'aider en ayant l'air super intimidant? Genre, tu sais, genre avec l'épée posée sur l'épaule, un peu en tapant la pose. En 4D, yes, hein. J'aime bien quand tu fais ça. En 4D, toi. Vas-y. En 4D, non, tu ne fais pas de 6. Non. C'est un super G, mais c'est... suffisant. À toi, Tuki, du coup, 4 dés en sang chaud. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ouais, je fais pas des bons lancers, c'est parti. Il y en a un troisième qui lève la tête. J'ai le doigt pour les gens qui écoutent. Pardon, j'ai 10, Tuki l'a dit. Et il y en a un troisième qui lève la tête, il vous regarde et vous voyez qu'il y en a un, le dernier qui a levé la tête, qui appuie sur un bouton. Sur un bouton. Voilà. Bon bah, on va encore devoir caster des gueules. Ah, vous aussi vous appuyez sur les boutons? Ah oui, en fait c'est pour faire venir les gens, pour vous escorter jusque... Jusque là-bas, en fait, c'est pour vous aider. Ah, ok. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un truc, un genre de je sais pas, de machin d'alerte incendie ou de d'évacuation Comment ça? Est-ce qu'il y a ça qui dans la salle, un truc qui pourrait ressembler à ça? Ah, il y a plein de boutons un peu partout et c'est du très vieux truc. Hein. Cet endroit-là, il a l'air d'être assez âgé et du coup. Mais il y a combien de portes? Est-ce qu'il a dit justement, la vérité? Il y en a une derrière vous et il y en a deux en face de vous. Est-ce qu'il a dit la vérité, le gars? Est-ce qu'on va vraiment bien nous emmener aux prisonniers ou? Ça, on peut pas savoir, je suppose. Bah, vous avez juste à patienter pour voir. Ouais, moi je suis. Mais je le sens pas. Bien le plan de l'alerte incendie aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des compétences d'observation parmi vous? Je suis un as du système D, je vais peut-être repérer des trucs sur les murs, des manettes, voilà. Des trucs. Vas-y, mon petit Matt, je te laisse le faire toi seul. Ouais, 3D donc. AD. C'est un 14. Et c'est un 14. 6, et, 4 et 4. Ouais, 6, 4, 4. C'est un super jet. Et effectivement, tu vois que à ta gauche, il y a un bouton que tu reconnais comme étant de la vieille technologie. Hein. Toi, t'as l'habitude, hein, t'es un Jawa. Et tu reconnais que c'était un truc d'alerte d'évacuation, en fait. Le truc, c'est que il est trop haut pour toi. tu peux pas. Il est pas adapté au Jawa. Bravo de l'accessibilité. Bah, je le pointe du doigt et je crie Finali. Ouais. Finali. Oui. Finali. Ok. Voilà, Finali. J'ai appuyé sur le bouton. Tape sur le bouton. J'ai pas prévu d'alarme. Donc imaginez qu'il y a une alarme qui ouais. S'allume. Et il y a tout le monde, tous les autres, les deux derniers qui avaient pas levé la tête, ils lèvent la tête. Il y en a un qui. Il se lève et qui fait « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le premier qui vous a parlé sort un petit blaster et commence à vous tirer dessus. Donc, vous êtes face à 5 personnes. Comment vous allez vous en sortir ? Ils n'ont pas l'air d'être des soldats entraînés, ça devrait être facile. Ouais, ils ont pas l'air d'être des soldats entraînés, mais quand même. Moi, je sors mon blaster et j'essaye de tirer sur celui qui tire sur lui. Tu fais tout seul ou en groupe ? Comme vous voulez, les autres. Moi, je peux t'aider, peut-être. Pareil, ouais. Mmh. Ouais, je crois que je vais aider aussi parce que j'ai des détonateurs thermiques, mais je suis pas sûr que dans la salle de commande, ce soit une super idée. Je vais t'aider en fait genre je vais essayer de tanker un peu avec mon armure bandeau quand il y en a qui tirent, tu vois. Ok, du coup tu sautes sur le premier qui est devant là, tu lui fonces dessus, c'est ça? Faut pas que je sois devant non plus parce que Tuki va leur tirer dessus, tu vois. Du coup par contre je peux peut-être essayer d'y aller pour les tenir pour qu'ils bougent pas quand Tuki leur tire dessus, tu vois. Nice. Ok, bah alors vas-y, fais ton petit test de 4 pour voir si tu fais quelque chose. 1 6, effectivement, nice. C'est très bien. 1 6, donc 1 dé de plus pour Tuki. Ouais. Qui d'autre veut aider ? Moi. Toi, Matt, vas-y. Avec mon blaster. Ouais, avec ton blaster, ton sens de la répartie, le fameux. Voilà, je 5 et 2, donc tant pis. 5 et 2, tu tires sur le plafond, ça n'a aucun sens. Et en plus, ton blaster, c'est un blaster rayon, et c'est là que tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Mais j'ai pris le mauvais, j'ai les deux, hein, mais j'ai pris le mauvais. Du coup, voilà, c'est pour ça que tu sers à rien pour l'instant. Adrien. Moi, j'ai vu des petits boutons, donc j'ai envie d'aller appuyer dessus. Okay. Histoire d'aider pour les fights et donc je Ok alors faire... attends je décide. Pardon. Je décide de te faire du coup. Tu vas me faire un jet de malchance s'il te plaît. Ok. J'adore ce personnage. Oh allez j'ai un 6. De maladroit, pardon. Ouais, du coup, tu fais un 6 et donc tu appuies sur les boutons et tu arrives à refaire clignoter les lumières. Ximnut. Est-ce que j'ai 6 dés du coup avec son 6 ou pas ? Bah, tu t'en ajoutes un, oui. Ok. Et moi, je me lance, j'entonne et. Une marche guerrière Gungan pour donner du baume au cœur à Tuki. Ok, donc un petit jet à deux pour Bel Canto. Exactement. Vas-y, mon petit chéri. C'est vraiment un zadiste, Zimu. 3. Bon, c'est pas suffisant. Tu chantes, mais en fait, comme il y a les sirènes qui sont en train de beugler à côté, ça ne sert à rien. Donc là, vous rendez compte, vous êtes dans un moment où ça sonne, et en même temps, ça clignote, et c'est du coup Tuki qui va faire son premier jet. Vas-y. De 6D, du coup. 26. Un magnifique 26. Et en face... En face, ils font un mini 13. Oh la vache. Laminé. Le premier tire sur... celui qui avait sorti son blaster tire sur Funeli. Il a pas bien choisi sa cible. Et du coup, toi, tu as largement le temps de viser et de lui tirer en plein dans la tête. Yes. Ce qui fait que pour l'instant, les autres sont pas armés. Je te laisse faire ton deuxième lancer. Et tu fais 24, c'est encore, encore plus. Je suis vénère. 24 et eux, ils font 16. Tu tires en plein dans le bide d'un des deux qui tombe... Enfin, de celui qui était... qui avait appuyé sur le bouton, qui tombe, le ramasse par terre. Vas-y, parfait. Continue. 24. 24, donc tu continues de tirer, pendant ce temps-là, eux, ils font 9, et donc Funeli attrape... Non, t'es resté du côté de Tuki quand même, toi. Non, au fur et à mesure, en fait, j'essaye de faire voilà, un c'est ça. Pas quoi. Donc, celui qui était le plus proche, le deuxième qui vous a remarqué, tu arrives à son niveau et tu lui mets une grosse patate. Et yes. Il tombe au sol. à toi encore, Tuki. Et je lui mets des chassés. 15. 15. C'est moins bon. Mais bon, j'ai pas assez de dés de toute façon. ils ont pas ce qu'il faut, ouais. Même s'ils ont fait un 6, là, ils ont que 10 en tout. Donc, tu tires, tu en touches un dans le bras et il se met à pleurer dans un coup. Tu puisseras moins ce soir. Il pleure, le gros bébé. Ok, et pour le dernier maintenant. 25. 25. Donc pendant que que vous vous moquez de celui qui s'est mis à pleurer, t'as le dernier qui essaye de s'enfuir et qui trébuche sur le cadavre de son pote et il se fait le coup du lapin sur le rebord de sa console. J'aime pas quand il fait ça, il y a même place. Ça c'est bien. C'est pas mal. Le problème c'est que vous avez pendant que vous vous moquez. Vous remarquez que les deux portes qui sont en face s'ouvrent et plusieurs membres de garde de Guavian là. Oui bah voilà, plusieurs Guavian sortent. Ils sont même 8. Ouf. Ils sont 8 et ils commencent directement à... Alors attendez, je vais juste faire un test. Je fais juste un test. Ils sont un peu confus par les lumières qui clignotent, mais ils arrivent quand même à vous tirer dessus. Bonne chance, j'ai envie de dire. Matt, est-ce que tu veux bien me refaire un test avec ta compétence, du coup, sens de la répartie ? Ouais. Ou alors, est-ce que tu essayes de faire un truc, vu que tu fais pas partie du groupe de baston ? Est-ce que tu veux tenter de faire un truc ? Est-ce qu'il a moyen de lancer une bombe, ou ils sont trop près ? Non, ils sont de l'autre côté de la salle. Ils sont vraiment de l'autre côté. La salle, elle doit faire à peu près 15 mètres de longueur. Balance une bombe. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, je m'installe à une console et j'essaye de... Non, je sais pas, attends, je réfléchis. Il y a quoi comme... Donc, il y a combien d'accès à la salle? 3. Celui derrière vous et les deux en face. On va peut-être essayer de se casser, en fait. On passe la porte, on la referme et on se tient. C'est sûr que tu veux pas balancer une bombe. Bah, celle-là n'empêche pas l'autre. Okay. Ouais, la troisième porte, elle est loin. On balance une bombe, on passe la porte par laquelle on est venu et on la verrouille en tirant sur la commande. À part laquelle on est venu, ouais. Que... Oui, on se parle dans l'autre sens. Ouais, mais si le capitaine est de l'autre côté, comment on ira le chercher si on bouge? Mais il y avait l'autre passage dans le hangar. On peut toujours faire le tour. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un deuxième passage dans le hangar, effectivement. Tac. Du coup, vous faites ça? Ouais. Ouais. Très bien. Balance un détonateur thermique, on passe la porte et on dégomme la commande de la porte pour la verrouiller. Fais-moi un test avec tes deux là. Pas les noms avec deux. Je regrette un peu. Non, c'est bien. Tu la lances bien, ça explose. Tu en tues deux dans la foulée. Mais... Mangez ça, t'as de con. Vous sortez tous. Vous sortez tous, sauf. Adrien, s'il te plaît. Oula, je fais. Adrien, voilà, tu me fais un test de malchance, s'il te plaît. Ok. Il est maladroit. Il est pas malchanceux, pardon. Ouais. C'est 10. Bon, 10. C'est bien, t'arrives à passer quand même. Donc, vous passez tous. Vous tirez dans la porte. Et effectivement, vous ne pouvez plus. Elle ne s'ouvre plus. Vous entendez les gars qui crient de l'autre côté avec l'alerte. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, faut qu'on court jusqu'au. Ah, on fait le tour. On fait le tour. Ok. Très bien. Bah, vous courez. Vous retournez. Pardon. Voilà. Vous retournez dans le hangar. Vous allez en face ou pas ? Ouais. Ok, vous arrivez à la porte d'en face. Vous arrivez à la porte d'en face. Qui l'ouvre ? Elle est verrouillée ? Non, mais qui l'ouvre ? Moi, je veux bien l'ouvrir. Ah, ok. Ah, vas-y. Okay. Vas-y alors. Ok, j'ouvre. Donc, tu appuies sur le bouton pour ouvrir la porte et ça ne s'ouvre pas. Allez là! Tu réappuies, ça ne s'ouvre toujours pas. Y a qui là qui sait hacker des portes là? Tu peux venir remettre... Ouais, je m'attrouve ça outil, je vais bricoler ça. Je démonte tout le machin. Je sors les chiffres, je mets les faux contacts. Mais attendez, j'ai enlevé le. J'ai supprimé le truc OBS. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai pas remarqué, mais il n'y a pas le truc OBS sur lequel on parle. C'est pas grave. Deux secondes. Je retourne sur le mauvais truc. Hop là. Bravo, Pascal. Ouais. Du coup, l'épisode, vous l'avez trouvé comment ? Sympa. Il est sympa ce poster sur leur mur. Hop. Voilà, c'est bon. Je l'ai remis. Désolé. J'avais pas vu que j'avais fait ça. Je vais faire mon lancer, du coup, pour démonter la porte. Vas-y. Et ton lancer... Un petit 9. Ton lancer fait 9. Tu trifous le truc. Ça ne mène à rien. Il y a même une deuxième... couche de porte qui se referme. Wow. C'est un peu comme devant le bunker sur Andorre. Poudou. qu'est-ce que vous faites ? On est bloqué en fait. On a deux portes fermées de chaque côté. Exactement. Sur une échelle de 1 à 10, ça fait quoi si... Si je vais dans la tourelle du millénial et que je tire sur la porte. J'ai des explosifs dans mon sac, on peut essayer pour. Je peux essayer de péter la porte. Oui, mais on est coincé entre deux portes. C'est vraiment des portes chromées et tout, hein. C'est pas de la gnognotte, hein. Tu peux pas les péter. Et avec son bâton électrique, il peut pas essayer de court-circuiter le truc à 10 minutes. Mais j'ai un blaster rayon, je suis con. Test, on sait jamais. Vas-y, tire. On en est. Bon, ouais, tant qu'à faire. Est-ce que je peux l'aider avec un jet de chance ? Oui, vas-y, tu peux l'aider avec ton jet de chance. Alors. Donc, c'est 5. Hein. Ouais. Et j'ai un 6. Il y a un 6. Yes. Du coup, je cogne sur un petit bout de la porte et j'écoute et je fais « Oh, il y a un petit trou là, vas-y, essaye là ». Et Matt, du coup, c'est un G à 3 ou à 4 ? Ouais. C'est 3. Mais j'ai fait 14. Non, mais c'était 3, mais 3. Tu t'es ajouté du coup le. J'ai ajouté le dé de. Oui, de d'accord, de d'accord. Oui. Tu fais 14. 2 normalement avec le blaster rayon. Et 14, ouais. Dont un 6, c'est bien. Donc, tu tires dedans et par chance, la porte qui venait de se refermer s'ouvre, mais pas la deuxième. Ça m'arrive tout le temps. On est revenu au point de départ. Ouais, et elle s'ouvre toujours pas. Hein. Vous essayez d'appuyer, mais ça marche toujours pas. Je jure en Jawa. Est-ce que je jure en sécurité, on aurait moyen d'ouvrir la porte ? En faisant quoi ? En allant dans la salle de sécurité, là. Mais elle est pleine de gardes, et puis on a bloqué la porte, en plus. Non, pas celle-là, la première. Ah, peut-être, oui. Ben, vous pouvez toujours aller voir. Est-ce qu'on se sépare ? Est-ce qu'on n'y va pas tous ensemble ? Franchement, moi, je préfère que vous y alliez tous ensemble, mais... Moi aussi. Non, mais... je peux essayer de la faire péter. Et il a dit que ça marcherait pas. Bah, je crois que c'était la deuxième couche qui... Non, c'est les deux, hein, c'est vraiment des grosses portes. Là, tu peux pas les casser comme ça. Hein. Et on... Ok, c'est bon, on revient sur nos... On revient, on va faire un tour à la salle de contrôle, on regarde ce qu'on peut faire. Enfin, okay, la salle de contrôle, la salle de sécurité, ouais. Du coup, vous commencez à courir, vous ouvrez la porte, vous arrivez dans le couloir, et qu'est-ce que vous trouvez ? Eh ben, attendez, je sais pas... J'ai mis cette merde. Où est-ce que je l'ai mis ? Oh, je l'ai pas mis dans le tri. Ah, je suis insupportable. Je l'ai pas mis dedans. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. En plein milieu du couloir, vous voyez un vieux bonhomme avec une tenue rouge du Guavian Devs Gang. Ce vieux bonhomme qui a une veste avec des choses que vous n'arrivez pas à identifier, des gants assez spéciaux et une godasse sur la tête. Tu m'as vieilli. Il fait. Alors c'est vous qui foutez la merde ici ? Avec sa voix de vieux. Mais très assuré. On fout pas la merde, nous, on est juste venu chercher un prisonnier. Tout se serait bien passé si vous aviez coopéré. Attends, est-ce qu'on connaît en vrai Matrags ? Comme on est un peu des archéologues de la galaxie. Est-ce que je l'ai dans mon LinkedIn du crime ? Parce que genre, si on le connaît, moi je vais être là en mode « Oh, monsieur Rags, je suis un grand fan !» Vous ne le connaissez pas. Enfin, vous ne savez, vous ne reconnaissez pas cette personne. Ok. Il vous regarde et il fait, ouais, ben, votre prisonnier, le truc, c'est que le prisonnier que vous êtes venu chercher, j'avais de très bonnes raisons de l'emprisonner. Et personne ne vous les a donné ces raisons. Ben, je vais vous expliquer. Vous n'êtes pas sans savoir que votre capitaine aime bien faire des diffusions radiophoniques à travers les galaxies. Qu'il appelle Faucon Millenial, comme votre tas de bouse derrière. Mais oh ouais. C'est vrai, c'est un super joli vaisseau, vous devriez bien voir, c'est vachement beau à l'intérieur. L'extérieur aussi. Ben, je le ferai quand on vous aura refroidi. On va pouvoir tuer autant de mes hommes, surtout des pauvres travailleurs qui n'avaient rien demandé à personne dans la salle là-bas. Nous non plus, on n'avait rien demandé à personne. C'est eux qui ont commencé à nous rien demander, mais c'est votre capitaine de merde qui a commencé à se foutre de ma gueule dans son podcast radiodiffusé là, de mes deux. Mais nous, on n'a jamais entendu. Non, mais c'est bon, on a compris, t'as un égo fragile, c'est tout. Matrags ceci, Matrags cela, ah, c'est drôle, moquons-nous de Matrags. Eh oui, vous avez sûrement entendu mon nom. C'est vous, Matrags. Oh, le con. Il sort un blaster et il tire dans le plafond. Vous allez fermer vos gueules. Vous avez vraiment tué des dragons de crête ? Ouais, mais a priori, c'est pas suffisant de tuer des dragons de crête pour se faire respecter. Non, on se moque de ma tenue traditionnelle de la planète d'où je viens, hein ? Drôle de nom. Et les dosettes de café sur sa veste. C'est pas des dosettes de café, ce sont des mémoires de mes ancêtres. À chaque fois qu'on meurt, on c'est ajoute un objet qui est rattaché à nous. Ça fait partie des traditions de d'où je viens. A priori, ils étaient tous fans de Nescafé. C'est tout sport dans ta famille. Elle se passe de génération en génération. Ouais, ok, ouais, on a compris, mais en fait, on s'en fout. Ah, mais voilà, il a un point commun avec toi, mais... Ah ouais, bah très bien. Vous vous en foutez. Bon, bah les gars... Oh non, moi, je m'en fiche pas, c'est intéressant. Les gars... Non, mais je veux dire, tu vois, j'aime bien les traditions et tout, mais en fait, là, on vient chercher notre capitaine, tu vois. Genre, ton égo, il va pas au-dessus de notre capitaine, en fait. Genre, on s'en fout. Juste comme ça, je peux rajouter votre numéro à mon carnet d'adresse. C'est jamais, des fois que... Vous aurez pas besoin d'un carnet d'adresse quand on vous aura tiré dessus. Allez, les gars! Yeah. Et du coup, il y a les six gars qui restaient derrière qui commencent à vous tirer dessus. Matrax aussi. Je fais leur jet et ils font 32. Va falloir vous grouper, je pense. Ouais. Ouais, je pense que ce soit moi qui fasse au moins pour le début du combat. Tu veux faire avec la chance, c'est ça? Ouais. D'accord, vas-y, essaye de... Trouve-moi une façon de justifier le fait que tu utilises ta chance. J'ai donc le morceau de grenade encore dans la main gauche. Ouais. Et donc, du coup, dès que ça tire, je le lève en l'air. Mais par réflexe, tu vois. D'accord. Ok, d'accord. Donc, toi, tu feras ça. Les autres, comment vous comptez l'aider? Avec un blaster. Vas-y, Tuki, fais ton jet. Alors, 4. C'est le nombre de dés, hein, pas le résultat. Oui. J'ai fait 18. Ah, mais j'ai pas de 6. T'as pas de 6? Flûte. Ok, Funeli. Ouais, moi aussi, je vais tirer au blaster. Ça suffit les conneries, ok. Vas-y. Pas de 6 non plus. Pas de 6 non plus. Oh là là là là, c'est mal barré cette histoire. Ximnut, est-ce que tu es là? Oui. Oui, oui, oui. Vas-y, à toi. J'essaie de prendre l'air le plus agressif possible en tant qu'Ewok pour les intimider. Donc, vas-y. Je lance. Ah, 6. Ça marche en plus. Ça fait 6. Oh t'as non, cette peluche nous fait des yeux noirs. Ça fait un 6, du coup, ouais, ça rappelle des mauvais souvenirs à Matrax. En parlant de Matrax, Matt, toi, tu fais quoi? Je tire aussi au blaster. Ok, donc, sans heure est parti. J'ai fait 6, mais avec les 2 dés, donc ça... Ça marche pas. Si ça marche pas, il va falloir que tu balances encore une grenade et qu'on se casse de là. Hein. Je crois bien, ouais. Adrien, tout repose sur toi. Tu as 6 dés avec ta chance. On va voir si ta chance paye. Je me souviens plus combien j'ai fait. J'ai fait 35 avec les autres. 32. Bah, bon courage. Oh, merde. T'as fait 3-1. Oh non. C'était 13. C'était 13. Oh. Il commence à vous tirer dessus. Ils arrivent à tirer dans la patte de Ximnut qui du coup n'est pas blessé très fort mais n'arrive plus à soutenir leur regard. Voilà, et donc la fusillade continue. Enfin, vas-y, à toi, Adrien, avec un dé en moins, du coup, 5. Ils ont fait 23. On peut pas changer et une bombe en se cassant. Ah ben, vous pouvez mettre fin au truc quand ouais, vous voulez. Ouais, je pense qu'il faut qu'on hein. Les batte, hein. On peut y arriver. Hein. On peut y arriver. Tu, tu peux tester encore un... Encore il y en a 5 D6. Hein. 5 D6, eux, ils viennent de faire, j'ai oublié, je l'ai dit. 20 et quelques, j'ai fait 19. Non, ils ont pas fait 20 et quelques. Hein. Ils ont fait 23. 19, ouais, du coup, vous arrivez vraiment pas à les toucher. Et pendant ce temps-là, ben, eux, ils continuent de vous faire reculer. Matrax commence à vous foncer dessus. Si je devais mourir d'une certaine manière, ça devrait être celle-là. Qu'est-ce que vous faites ? Activité. Je peux lancer un détonateur thermique sur les mecs. Tu peux lancer un détonateur thermique sur les mecs. Vas-y, fais ton petit test. C'est 2D. Hein, avec 2D. Et tu fais un 7. Un 7. Je vais... Du coup, attends. Ok, c'est parti. C'est quoi tous ces dés ? Mais c'est quoi tous ces 6 des gens en face ? Ouais, c'est moi qui ai fait plein de 6. Il y en a 3 qui meurent en face dans la détonation. Et vous, vous reculez, vous repassez dans le hangar. Attends, il est où le hangar ? Il est là. Voilà, vous repassez dans le hangar. Qu'est-ce que vous faites ? On peut pas se répartir genre 2 d'un côté de la porte et deux de l'autre côté de la porte, comme ça, eux, vu qu'ils sortent du couloir, ben, on les a en tenaille quoi, quand ils essayent de nous rejoindre. Et pendant ce temps, Adrignap, tu veux pas aller toucher à l'artillerie du vaisseau ? Pour de vrai ? Ouais. Mais sinon, on s'arrache, au pire, on a déjà un pilote. Ok, et donc, du coup, bah, je me mets à courir pour. Mais c'est le capitaine qui a notre salaire. Du coup, qui se met de chaque côté de la porte ? Bah... Ouais, je suppose. Du côté gauche. Ok. Je me mets du côté gauche aussi. Bah, je vais du côté droit. Ouais. Ok, très bien. Les deux tueurs d'un côté et les deux mini là et de l'autre côté. Adrien, tu cours. Très bien. Vous allez me faire un test... groupé vous allez faire du coup chacun un jet de 1D d'abord Finali. Okay. 1D bien ouais. Tuki donc Finali a fait 5 Tuki fait 2 ok qui est-ce qui a fait 6 là? Ximnut fait 6 et Matt fait 2. Très bien. Très bien. Il va falloir qu'on voit plus de whisky, Matt. Ça va plus. Pendant que Adrien s'enfuit, vous vous mettez bien et les gars sortent. Trois gars d'abord. Fais-leur un croche-patte avec ta lance. Qui continue de courir et ne vous voit pas, donc il ne vous remarque pas en passant. Qu'est-ce que vous faites ? J'essaye d'en flasser un dans le dos quand il passe. Moi je dis que Ximnut devrait essayer de les électrocuter avec sa lance. Il peut. J'aimais bien l'option de tous les faire tomber en leur faisant un croche-patte avec ma lance. Mais tu fais un croche-patte électrique, comme ça c'est... Allez, croche-patte électrique. Comme c'est des cyborgs, ouais, ça vient de griller. Vas-y. En fait, on peut essayer de... Ouais, tous dans les jambes. Ouais. Je sais pas si toi tout seul, tu es assez pour couvrir toute la largeur, mais en tout cas, ouais, on peut essayer de faire un truc. Tu peux faire un truc avec ton Ewok 4. Tu peux le faire tout seul, hein. Eux, ils ont déjà fait leur test. Ils ont fait 13, donc t'as juste à faire plus que 13. Allez. T'as de la chance. Il a fait 3-1 et 1-2. Il a failli faire un pur échec critique. Tu n'arrives pas en fait à tendre ton bâton parce qu'il est trop grand en fait, vu que t'es accroupi pour te cacher. En fait, t'arrives pas à le mettre dans la bonne position. Donc en plus, tu fais du bruit et les gars se retournent et malheureusement, ils commencent à vous tirer dessus. J'ai une merde galactique. Vous faites quoi ? Bah, je tire aussi. Du coup. Ok. Ouais. Vas-y, qui prend le lead? Tuki ou Funeli? Funeli, je pense. Funeli, okay. Donc Tuki, okay, tu moi, vas ça me va. Faire ton sang chaud avec 4. Ok. Et tu fais 1-6, yes. C'est très bien. 1-6 pour Funeli. Matt? Ouais, je pense que c'est 2, avec mon sens de la répartie. Ouais, je vais que dalle. 3 et 2. Et tu fais 3 et 2. Ximnut, toi, pour l'instant, vu que t'as fait 3-1 et 1-2, tu es hors jeu, en fait, t'es en train de t'énerver tout seul sur ta lance. Parce que c'est clairement de la faute de la lance, c'est pas de ta faute à toi. Donc Funeli, avec un dé en plus en Mandalorien, tu commences à... 5d6, et du coup je reste sur le côté pour pas aller dans la voie du couloir, parce que sinon les autres derrière ils me verraient, donc je reste sur le côté et je tire avec mon blaster. Ouais, vas-y. Et c'est parti. Un beau 18. Tu tires, et eux ils arrivent. En fait, quand ils se sont retournés, ils ont commencé à tirer, mais sans vraiment viser, du coup, ils tirent un peu n'importe où. Et toi, t'arrives à en éliminer un tout de suite. Je te laisse continuer à faire ton piou-piou. Piou-piou-piou. Tu fais vachement bien, les piou-piou. Tu fais un 14 cette fois-ci et eux ils font un 8. Du coup vous tirez. Matt sort de sa couverture parce qu'il se rend compte que son piou il sert à rien, il a son piou à ion. Et du coup il va là-bas et il décide de tirer avec son piou à ion directement dans la tête du gars qui est le plus proche de lui, qui commence à bugger parce que ça lui a éteint en fait son processeur qui est dans la tête, donc il tombe comme R2 dans Un Nouvel Espoir. Et voilà, vas-y, tu fais un dernier piou, Funeli. Piou piou piou. Allez, voilà, tu fais un 21. C'est évidemment pas suffisant pour l'autre qui a 5. C'est Tuki qui lui tire dans la jambe et Funeli qui lui tire dans la tête. Boum! Voilà. Ah, ça qu'on fait. Allez! Vous êtes content, vous avez réussi. Qu'est-ce que vous faites? Les autres, ils arrivent ou pas? Il y en a que 3 là pour l'instant, non? Il y en a que 3 qui sont rentrés. Hein. Mais les autres, ils sont en train d'arriver, on les entend ou... En fait, il y en avait 4 qui sont morts tout à l'heure. Dans l'explosion de Matt. 3. Ah oui, du coup, il reste que Matrax. Oui, il y en a 3 qui sont morts tout à l'heure et il y a que Matrax qui est pas venu. Mais est-ce qu'on entend arriver? Si. Il y a Adrien qui s'apprête à tirer avec Attends, Adrien, il est en train de s'installer là encore. C'est aller peut-être faire quelque chose, enfin, peut-être le prévenir. Vas-y. Essaye. Quelqu'un de a un coming, un truc? Ouais, j'ai un coming, moi. Mais si, il marche pas, ça sert à rien, faut que quelqu'un aille me voir. Voilà, j'ai utilisé ma compétence bel canto pour crier à travers le... Chante jusqu'au faucon. Ouais. Vas-y, 10 minutes. Chante 10 minutes. Sing my Ewok of music. Tu fais 7. Alors ce qui est bien, c'est que Adrien il entend parfaitement ce que tu dis parce que c'est bien ouvert à l'intérieur du faucon. Le problème, c'est que tu parles, tu te mets à chanter en italien et du coup il comprend pas. Il y a une bonne acoustique avec le regard. Ouais, mais du coup, il entend ce que tu dis, mais il ne comprend pas. Et toi, Adrien, du coup, tu es dans le truc, tu vois qu'ils sont pas là, donc tu décides de te relever. S'il te plaît, fais-moi un test de maladresse. Tintin préféré. Yes! Et il fait 14. Très très maladroit. Le problème avec cette compétence là, c'est que en fait, plus le résultat est haut, moins il est maladroit. Hein. Ah. En fait, c'est juste arriver à surmonter sa maladresse, oui. Ouais. Du coup. Ah, pour moi, c'était en faisant n'importe quoi, ça fait des trucs. Non, non, non, mais ça, c'est parce que tu voulais foutre la merde. Non, t'arrives à ressortir parce que tu as vu que, qu'ils étaient pas là. Du coup, tu te relèves pour aller rejoindre tes amis. À ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre avec, bien évidemment, notre cher Atrax. Sauf que cette fois-ci, il a l'air d'avoir une espèce de sulfateuse lourde laser. Et il commence à vous regarder en disant « Vous allez voir si vous pouvez vous foutre de ma gueule encore !» Sache que pour moi, tout ce qui se passe ici, c'est canon. Oui, oui, c'est fait pour. Donc, Matrax, c'est le boss de ce donjon. Donc, il n'a pas qu'un seul dé, il ne compte pas que pour un. Il compte pour 6. Est-ce que... C'est le minimum. Est-ce que... oui, du coup... Matt et Ximnut, je vous laisse le droit de retenter de vous de faire vos jets pour appuyer Funeli, qui a toujours son dé en plus, je crois. Ouais, je suis à 5 des 6. Donc, Matt, je te laisse tenter en premier avec. Pas de 6. Pas de 6, malheureusement. À toi, Ximnut, qu'est-ce que tu fais? Avec ta compétence Ewok, je pense, pour te battre, vu que c'était une petite bête féroce. Dire, c'est un boss, là, ça déconne pas. Ouais, pas de temps de déconner. Matrix boss, putain, c'est génial. Et tu fais effectivement un 6, donc vous êtes à 6d6 contre 6d6, parce que notre cher Adrien n'est toujours pas revenu. Bon, c'est le moment où il faut jouer Duel of Fates, là. C'est quand j'avais préparé des musiques, mais à cause du problème de tout à l'heure, ça fonctionne pas, donc je peux pas mettre de la musique de boss que j'avais préparé. Ça fait striker en plus. Il y en avait une. Ah, mais d'accord. Non, cher Matrax, à l'avantage évidemment, parce qu'il est arrivé pendant que vous aviez encore un peu le dos tourné. Il commence à tirer. Avec ses 6d6, il fait 26. À vous, les studios. C'est bien, CRP. Il est trop puissant. Vas-y, Funeli. Ouch. 17. Et effectivement, il tire, et il arrive à vous mettre tous les deux, à vous séparer les deux groupes de deux, là. Vous vous cachez derrière les caisses, il continue de tirer comme un fou. Je retire en premier. Il fait 18 à toi, Funeli, avec un dé en moins, du coup. Ah, c'est prenable. Yes. Tu veux pas apprendre à gérer ta colère, mec ? Oh la vache, 15, ça reste. Non ! Ça reste inférieur. Putain, il était prenable là. Il nous fait reculer ! Il vous commence à casser les caisses qui sont devant vous. Hein. Elles commencent à se fissurer. Non, mais la botte sur la tête, c'est un style aussi. Pendant ce temps-là, Adrien, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un test à 5, s'il te plaît ? Yes. 21. 5d6. Attends, mais je le vois pas, là. Pourquoi il s'affiche pas chez moi ? Je le vois pas non plus. Sérieusement ? Si, ouais. Moi je le vois. Okay. Ah ouais, moi je le vois pas ici. J'ai 3 plus 1 plus 5 plus 6 plus 6. Ouais, mais je le vois. Ah ouais, d'accord, du coup t'as fait 2-6. Ouais. Funeli. Ouais. Tu reviens à 6d6. Ah, est-ce que pour le RP, ouais. Quand j'arrive, attends. Je fais hey, les copains ! Et puis c'est bon, j'ai vu le truc. Voilà, c'est exactement. Tu fais « Hey, les copains !» Et il y a Matrax, en fait, qui se retourne parce qu'il avait pas bien compté et il s'était pas rendu compte que t'étais encore là. Et il se retourne et il commence à arrêter de tirer sur les autres. En fait, il arrête de tirer tout court pour se retourner. Et Il fait 20. Est-ce qu'il peut me tirer dessus et je peux me baisser genre... Bah là, il va te viser toi. Ah ok, cool. Il fait 20. Wow, c'est interdit de tirer sur lui. Vas-y, Fulgini. Avec tes 6, non, mais... 6 et tu fais 22, yes. Et tu arrives à lui tirer une balle dans le cul. Ah, je peux pouvoir, c'est l'énergie shonen, ça. Il fait ah. This is the way. Il fait yes. vous croyez que c'est si facile de m'avoir, et il se retourne vers vous encore et il commence à tirer vraiment plus sur Funeli que sur les autres. Il fait 16. Oh, mais le problème, c'est que comme il est trop à fond sur Funeli, et ben ça fait une ouverture pour Ximnut qui saute par-dessus sa caisse et en profite pour donner un gros coup sur le chapeau de Matrax qui fait un gros boing et qui tombe. Enlève-moi ce truc horrible. Et il fait 12. Il fait 12, vous faites 20. Tuki, en voyant Ximnut qui a osé aller au corps à corps, qu'est-ce que tu fais? Je vais au corps à corps aussi avec ma petite lame. Ouais. Je me fais plaisir. Et le truc, c'est que ta petite lame, elle a des lasers et tu lui coupes un bout de son arme de gauche. Et il n'a plus qu'un seul blaster fonctionnel. Et, yes. Et le truc, c'est que au corps à corps face à vous, il sait pas trop quoi faire. Parfait. Putain, en tête la gueule, elle est très comme vous. Funeli, je te laisse continuer. Le Dark Rags. Funeli, tu fais 18. Et lui, il fait 8. Terrible erreur du joueur. Il tire un peu dans tous les sens, mais principalement sur le sol, en fait. Et il comprend pas pourquoi sa deuxième arme ne fonctionne pas. Et du coup, Matt en profite pour lui tirer cette fois-ci. Où ça? C'est moi qui décide. Dans le zizi. Voilà, tu lui tires dans le zizi. Et ça touche en plein dans le mille, comme on voulait. À toi, Funeli, de faire encore ton jeu. Oh, la vache. Tu fais 31. Tu tires en plein sur sa boucle qui tient son gilet explose en mille morceaux, les trucs qui sont accrochés dedans se détachent, c'est une horreur, ça tombe partout au sol, il commence à crier non, c'est mes souvenirs de d'où je viens. Il y a des cafés partout, putain. Tu dois littéralement exploser ses grands morts, en fait. Oui, vous voyez qu'en fait, il y a des cendres qui sortent, et en fait, c'était des petites... des petites urnes, en fait, de sa famille. C'est glauque. Il y a d'autres connards. T'es hardcore, mec. Et du coup, dernier jet pour lui, il fait un 5. Et vas-y. Vous faites 25. Adrien, je te laisse choisir ce que tu fais pour le finir. Là, clairement, il est par terre, quoi. Oui, là, il est au sol. Il est en train de se tenir le sgeg en pleurant. Ta gueule, en même temps. Alors, je me remarque qu'il n'a pas de cheveux, d'ailleurs. Les cheveux. Maintenant qu'il n'a plus son... Je m'approche de lui et je vais faire un jet de gentillesse. Tu demandes si ça fait mal? Non, t'as pas besoin de faire ton jet de gentillesse. T'as pas besoin de faire ton jet de gentillesse. Hein. Il y a eu déjà 25 par rapport à lui qui a fait 5. Non, c'est pour ça que je te dis, tu fais ce que tu veux, sachant que tous les combats comme ça, les jets, ils fonctionnent pour les discussions autant que pour les combats. Donc maintenant qu'il est à terre, désarmé et tout. Ok. Je m'approche de lui Je suis au-dessus de lui. Je prends un biscuit. Je prends une bouchée. Et je lui tends, je vais vous en voler. Et moi je viens et je prends le biscuit et je dis pas zizi, pas de biscuit. Adrien sort un deuxième truc et dit on a des amis qui ont pas de zizi aussi hein. Et pourtant je leur offre mes biscuits. Les zizi ça fait pas tout hein. Tenez monsieur. Et donc je lui pose sur son torse alors qu'il agonise de douleur. Vous voulez dire plus. Pardon, papa, plus. Pardon. Hop là. Ah. Ok, il accepte. Il tend sa main et il prend et puis il commence à manger. Il fait... Attends, ça pue quand même de se faire moquer comme ça. Les gens vont encore plus se moquer de moi maintenant. Mais non, on dira rien. Mais attendez, vous avez buté tous les membres de ma partie du gang. Vous croyez qu'ils voudront de moi, là, les autres ? Je suis foutu. Bah vous avez qu'à venir avec nous, on a de la place, en plus on a un droïde. Non, toi, plutôt crever. Plutôt crever. D'ailleurs, si vous pouviez m'achever... Mais c'est pas... Faut pas voir le monde comme ça, monsieur Rags. Vous savez, j'ai... C'est vraiment dur d'être moi, parce que toute ma vie, j'ai combattu des Dragon Crate, j'ai protégé la planète de Tatooine. Vraiment, j'étais quelqu'un de bien avant, et... Un jour, il y a un connard qui a sauvé Mos Pelgo. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville. Mais bien sûr qu'on connaît, on a une émission de l'Holonet, vous savez bien. Ouais, on en a déjà parlé de ça. Un connard qui est venu, qui a tué un Dragon Crate, hein, alors que moi j'en ai tué des dizaines. Il est venu et... Depuis, c'est toujours « Ah oui, bravo, le Mandalorien et tout. Et Matrax, alors ?» Et Matrax. Mais lui, il a pas un gilet en mousse. Hein. Vous voulez vraiment qu'on vous tue ou vous voulez une reconversion ? Mais non, on ne va pas le tuer, Matrax. Pourquoi pas ? Sinon, moi, je vous propose, on va chercher notre capitaine et puis on se casse et puis on laisse M'Sirox faire sa vie et puis voilà. Puis vous savez, en tant que Ewok, les gens qui s'attribuent nos mérites, nous on connaît hein, la bataille de d'Endor, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, c'est vrai. Si. Qu'est-ce qui s'est passé à la bataille d'Endor ? Ben voilà, les rebelles, tout ça, voilà. Non, c'est nous qui avons fait tout le boulot, mais c'est eux qui ont eu les médailles. Ouais, ça craint. Donc voilà, je comprends votre douleur, monsieur. Et oubliez pas, vous êtes toujours le chasseur de primes le mieux sapé de la galaxie. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont qui se sont moqués de vous dans des podcasts aussi ? En fait, on nous trouve surtout mignons, mais on essaie. C'est surtout ça le problème. Personne nous prend au sérieux. Je sais ce que c'est. Comme vous, monsieur Rags. Je sais ce que c'est, ouais. Vous savez quoi ? Finalement, je ferais mieux de rester dans ce que je sais faire de mieux. Je vais prendre un peu de fric ici et je vais me faire un zizi cybernétique et puis je vais retourner à combattre les Dragon Crate. Cool, ah voilà. Parce qu'au final, vous laissez abattre. Ça change pas qui je suis et moi je suis un chasseur de Dragon Crate. Il va, voilà, super. Il se relève. Très bien dit. Le capitaine. Comment? C'est cool, monsieur. Il est où, le capitaine ? Votre trou du cul, il est... retournez dans la salle de contrôle, vous prenez la porte du fond à gauche, puis ensuite la salle du fond à... la salle d'en face, et vous arriverez face à un couloir. Vous prenez la première à droite et il sera dans la pièce tout au fond. J'ai pas écouté. Ah, c'est bon, j'ai à peu près écouté. Tenez, monsieur Rex, là je vous donne un des sims qu'on a tous récupéré un sim tout à l'heure. Et comme j'en avais déjà un, bah je lui en donne un. Ça va pas faire repousser ma bite, ça. c'est surfait, les Zizi. On peut s'en passer. Hein. Je peux avoir vos coordonnées pour mon carnet d'adresse du crime ? Mais je suis plus un criminel maintenant. Ouais, mais c'est toujours cool d'avoir des chasseurs dans son carnet d'adresses. Moi, je suis un chasseur de zizi. C'est vrai. Eh ben, vous faites du bon boulot. Et il est où le flic que vous allez prendre? Est-ce qu'on peut en prendre un peu aussi? Je veux dire, il est dans la salle du trésor, c'est celle qui est dans laquelle on met tous nos objets précieux. Ils sont là, au fond du hangar. Et bah, nickel. Bah, écoutez, je vais l'ouvrir, je vais prendre ce qu'il me faut, je vais vous laisser la porte ouverte, ça vous va? Parfait. Eh bien, il commence à y aller. Et puis il baisse les yeux, hein. D'ailleurs, il a pris le Steam, hein, et il se l'est injecté. Bon, Zizi n'a effectivement pas repoussé. Ouais, enfin, ils font des trucs vachement bien sur Coruscant, vous allez voir, ça va... Du coup, vous y allez... Vous savez, quand même, ça aurait été n'importe qui d'autre, ça m'aurait rien fait. Mais là, ça me rend un peu triste. Ouais, quand... pareil. Quand le capitaine va raconter ça, dans son émission... Vous allez, le chercher ou pas? C'est pas notre faute, il est l'ego fragile un peu, voilà. Est-ce que allez, on y va. Ouais, du coup, vous repassez... Pardon, j'ai oublié de changer, il n'y a plus Evil Maltrax. Vous êtes dans le hangar, vous continuez, vous repassez par le couloir, vous arrivez au fond. Mais attendez... Vous passez dans... On chope pas d'abord l'argent? Dans la sécurité... Peut-être bah, vu fait. Que le truc est à côté du hangar, je pensais que. Ok, ok. Non, mais c'est ok, je barre avec. Vous repassez par la sécurité, vous continuez par la porte que vous aviez fermée tout à l'heure qui a été rouverte entre temps. Toujours plein de cadavres hein, partout. Par la salle de contrôle, pas la sécurité. Bah, d'abord, il y a la salle de sécurité, ensuite. C'est vrai qu'on avait tué des gens là aussi. Ensuite. Re le couloir, puis ensuite la salle de contrôle. Vous allez... ouais, il y a encore de la fumée un peu partout. Et le gars qui pleurait tout à l'heure est toujours là. Il est en train de trembler, il est en état de choc. Oh, mais il faut pas rester là, Dieu, hein, parce que lui donne un Steam. Du gros bébé. Tu lui donnes un Steam aussi. Oui. Mais toi, t'en avais qu'un seul, hein. Mais c'est pas grave, je lui donne. Tu le prends à qui? Je le prends à Matt. Hey allez-y, faites un petit duel. Sancho versus 100 dollars y parti. Donc vas-y, tu kicks 4D. 16, bon, c'est pas la peine, Matt. Hein. Oh, 12, il a fait quand même 2-6. Il arrive à négocier. Il faut que tu t'accroches à sa jambe. Vas-y, Matt, négocie. Pourquoi tu prends mon style? Putain, vas-y, t'es nul à chier, Matt. Je suis nul à chier, tu négocies comment? J'ai pas autre chose à décider, moi, j'ai pas mes affaires. Non, tu négocies pour qu'il te paye en fait. Elle me paye. Oui, pour que qui te paye pour lui donner ton film. Ah mais il est pas gratuit, oui. Je te le file pour 500 colis. Est-ce que j'arrive à lui choper des trucs des mains ou pas? Est-ce que si je peux, je lui. Non, justement, t'arrives pas à lui prendre parce que parce qu'il a fait un double 6. Alors je sors ma dague, je lui fais. Je te donne ta vie contre ton Steam. Tiens. Et je donne mon Steam à moi qui me reste. Mais tu l'as plus, tu l'as donné à... Non, j'en avais un de base, moi, dans mes items. Oui. Il en avait deux. Notre petit bonhomme. Donc, je donne le Steam à Tuki. Mais... Tu fais chier, vas-y, du coup, tu le tends... tu le tends au gars, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, je suis même pas... Je suis pas blessé, pourquoi vous me donnez cette mais merde? Mais si, il était blessé. Oh punaise, c'est vrai que dans la panique, j'ai complètement oublié. Je t'ai tiré dessus. Ouais, merci. De rien. Bébé. Vous prenez la porte du fond à gauche ou la porte du fond à droite? Gauche. Je crois qu'il avait dit gauche. Ouais, il avait dit gauche. Ah, j'ai pas écouté. Ouais, depuis la salle du contrôle, c'est au fond à gauche. Ouais. Vous repassez... Et ensuite, c'est la salle d'en face. Ouais. Vous passez dans dans un couloir qui va tout droit sur... Pardon, il faut que je regarde. C'est la salle combien? Ils se ressemblent la tous salle ces 3. Couloirs. La salle 3, c'est... Vous arrivez dans une petite salle, une salle de réunion tactique avec une table à holo et tout. Il y a juste de l'électronique ici, il n'y a pas de truc à voler. Okay. Et pardon, c'est pas la, oulala, c'est pas la pardon, prison, j'ai oublié c'est de vous dire, là d'où vous venez, donc derrière vous, il y a la porte par laquelle vous êtes pas, vous venez d'arriver dans la salle. Juste à côté, il y a une autre porte. Sur la gauche de la salle, il y a une porte. Sur la droite de la salle, il y a une porte. Et il y a une porte en face de vous. Faut aller à droite. J'ai pas dit gauche en face, droite au fond. Moi, je vous suis. Ouais. Vous allez dans la salle d'à côté. La salle d'à côté qui est une salle où il y a des petites caisses, des trucs stockés, quoi. Je jette un œil aux caisses. Dedans, il y a une... Il y a juste une porte tout au fond à droite. Voilà. Toi, tu veux jeter un œil à une caisse, t'es sûr? Bah oui. Vas-y, as de la débrouille, essaye d'en ouvrir une. Et combien c'est? J'espère 3... que tu vas perdre un œil. C'est 3D. Mais genre avec quoi? Parce que t'es con. T'as pas voulu me donner ton style. Mais c'est lui le con, c'est pas moi. Tu fais 7. Tu choisis une caisse au pif, tu l'ouvres et bon, c'est juste des plats préparés, quoi. C'est des petits trucs, des fruits, des légumes, des plats préparés. Il y a bien. Quelqu'un va se faire un récolte. Il y a une boîte. Des rations un peu de survie qui ont l'air de dater d'il y a 4 ou 500 ans, hein, quand même. Ah, c'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que je peux utiliser ma compétence cordon bleu pour voir s'il y a des trucs qui peuvent, justement, vu qu'il y a des trucs qui sont peut-être anciens, qui peuvent valoir cher, genre sur le marché de la bouffe, tu vois. Vas-y. Du roquefort qu'à 150 ans, tu vois. Vas-y, fais ton test. Instantané collector. Ouais, tu fais 8 avec 2 dés. C'est donc tu regardes, tu inspectes et tu te rends compte que c'est principalement en fait des rations militaires là-dedans et c'est pas vraiment très intéressant. Tu pourrais revendre ça sur Jakku, mais ça te rapporterait pas grand-chose à toi personnellement. C'est de la merde. Ça a de la valeur que là-bas, mais si tu y vis, quoi. Il y a rien sur cette station. Y a rien sur cette... Et notre capitaine, c'est déjà ça, on est venu pour ça à la base. Ouais, et puis bon, on nous a quand même dit qu'il y avait le coffre avec les thunes au hangar, on ira au retour. Donc il y a que la porte derrière vous et la porte au fond à droite. On va au fond. Moi je dis qu'on lui fait quand même vachement confiance qu'il se barre pas sans la thune. C'est ce que je disais, mais enfin... Ouais, toute la thune et puis on peut rester qu'avec les nouillons séchées. Vous allez au fond à droite, vous entrez dans un couloir, vous avancez un peu, il y a juste une autre porte qui est déjà ouverte. Et vous vous rendez compte que c'est ça vous fait retomber sur la salle de contrôle. Okay, ah bah bravo. On s'est planté de porte. Non. On s'est planté ou il nous a donné une mauvaise direction? Non, il y avait 3 portes. Non, il s'est pas trompé. On a pris celle de droite, donc il reste celle de devant et de gauche. Du coup, vous faites quoi? On retourne dans la... Attends, on emmène toute la thune. Vous retournez, du coup, dans la salle... vous retournez, du coup, dans le couloir et vous revenez dans la petite salle de réunion. Celle où il y a la table holographique. Vous redis... en face de vous, il y a une porte. À côté de vous, il y a une porte. À gauche, au bout de la salle, il y a une porte à gauche. Il y en a une à droite que vous avez déjà empruntée. Alors, celle qui est juste à côté de nous, du coup. Vous faites ça? Allez. Ouais. Il me semble que c'était à droite, mais si je trouve que c'était pas la celle qui était à droite, mais celle qui était juste à côté. Celle qui est juste à côté de vous, pardon, elle est à votre gauche. Elle est à gauche. Bah, on tente. On peut la prendre quand même. On n'a rien à perdre. Oh, ça va être long. Non. Bon, quelqu'un d'autre choisit alors. Non, non, vous y allez. Non, de toute façon, on n'a aucune raison d'en choisir une plus qu'une autre. Je sens... J'ai un peu oublié les indications. Donc vous prenez ce truc-là. Le couloir, cette fois-ci, il va tout droit. Et vous arrivez... Vous arrivez dans... Je l'ai mis. Vous arrivez dans des chambres. Où est-ce que j'ai... Hop là, vous arrivez dans des chambres. En fait, il y a plein de lits encastrés dans les murs. Ah. Et rien d'autre. Je pense pas qu'il y ait rien d'autre dans cette section. Sauf deux portes en fait à votre droite, sur le même mur que vous, et deux portes à votre droite. À tous les coups, c'est vous dit, on revient en arrière et on passe la dernière porte. Je pense pas que la prison soit à côté des chambres. Non. Ouais, ça serait un peu con. Allez, celle d'en face, du coup, celle qui était en face, je pense. Ok, donc vous retournez dans la petite salle de réunion. Vous prenez celle d'en face ou celle tout à gauche? Celle d'en face, je pense, parce que... Ouais, je sais pas. Ce qui me semble que c'est... Ouais, ouais, si. Vous arrivez dans un nouveau couloir. Pardon. Vous arrivez dans un nouveau couloir. Vous avez un chemin à gauche et un chemin à droite. À droite. Là, à droite, du coup. À droite, ouais. Vous allez à droite, c'est ça? Ouais. Mm-hmm. Vous continuez d'avancer. Vous continuez d'avancer et vous arrivez à un poste... Ah bah tiens, je l'ai pas mis. J'ai pas d'image pour cet endroit-là, mais vous arrivez à un poste de garde. Ah. Il y a personne, hein. Je pense que vous avez vidé la station. On va voir au fond. Et au fond, oui, pardon, au fond, il y a une porte. Ouais, ça devait être là. Ça devait être gauche, fond, droite, au fond. Comme la ça. Porte ne s'ouvre pas. Il demande un accès spécial. Et vu qu'on est dans la salle de garde, est-ce qu'il n'y a pas des commandes ou des contrôles? Bien sûr que si, il y a des commandes, il y a une espèce d'ordinateur central. Que quelqu'un empêche Adrignap de toucher quoi que ce soit. J'avais mon doigt au-dessus d'un bouton et je devais... Attends. Adrien, fais un test de maladresse. Yes. C'est dommage. On dit pas que j'ai de la chance, hein, malgré la maladresse. Hein. Ouais, et toi, Ximnut, fais... Fais un test d'Ewok pour essayer de l'empêcher d'appuyer sur quoi que ce soit. Non. Allez, Ximnut, fais un regard, lance un regard noir à Adrien qui. Tu sais, j'avais mon doigt au-dessus d'un bouton. Et tu sais, il me regarde et tu sais, je mets doucement ma main dans mon dos, tu vois. En mode, j'avais rien fait. Vous voulez regarder l'ordinateur quand même, les autres? Bah ouais, pour essayer de débloquer la porte. Ok, je pense que la réponse, elle est vite... la question, elle est vite répondue. Matt, c'est toi l'as du système D, non? Ouais. Bah, je pense que tu peux tenter. Est-ce que quelqu'un pense pouvoir l'aider? C'est pas grave si vous pouvez pas. Hein. Moi je peux pas. Je regarde, mais je crois pas que j'ai un truc. Non. J'ai mon pilote casse-cou, éventuellement je connais un petit peu des trucs vite fait quoi. Non mais calme-toi toi. Moi en chance. Toi t'es en train d'empêcher Matt de. Adrien de faire n'importe quoi. Ouais, j'ai plus rien. Non bah écoute, vas-y Matt, fais ton petit test à 3D. C'est vraiment dommage, c'était la feature principale du stream d'avoir les dés qui s'affichent. Ça. C'est pas grave, t'as les super fiches de perso. Hop, tu fais 11, regardes dedans, tu commences à explorer un petit peu et tu vois qu'il y a un truc porte, ouvrir, fermer. Mais je le mets sur ouvrir. Tu mets sur ouvrir, la porte derrière vous s'ouvre, et vous entendez « Oh putain, pas encore, non, laissez-moi tranquille !» Je reconnais cette voix de râleur. Capitaine. Oh non. C'est nous. Vas-y, chante 10 minutes. Donne-lui la pêche. Les gars. Ouais. J'appuie sur un bouton sur mon casque et je fais. Salut, capitaine. Il est vraiment fait. Oui, le capitaine qui, Pensais. Qui sort, il a pas sa cape, il a pas son casque et il a des bleus partout sur la gueule. Oh non. Il s'est fait tabasser en règle. Hein. Il boit ouais, un peu. Je lui donne mon Steam. Ah, voilà. Je vais lui donner un morceau de macaron des bleus. C'est Matrax qui vous a fait ça? Ouais, et tout seul, la vache. C'est ces espèces de gants de boxe, là, ils défoncent, hein. On lui a coupé la bite. J'aurais fait pareil si j'avais pu. C'est vous qui avez fait tout le bordel depuis tout à l'heure, là, avec l'alarme et tout ça? Peut-être. Bah ouais. Oh là là. Ça se pourrait. Vous êtes vraiment venu me sauver, c'est vraiment... Oh, je vous aime si fort. Il commence à essayer de vous faire des câlins. Je lui pique, tu sais, le steam, c'est tu le piques dans le corps, je lui fous la seringue dans le cul. Oh. Dans la fesse. Oh merci, j'avais besoin de ça. De rien. Oh. Ah, vous nous avez manqué, capitaine. Ah bah, vous aussi, surtout quand je me prenais des grosses tatanes dans la gueule. Pendant une semaine, ouais, c'est vrai que c'est... Nous, on était en vacances, c'était sympa. En vacances? Ouais, mais vous inquiétez pas, il y a des plages pas loin sur une planète, là, on pourra y aller. Il y a un trésor aussi près du vaisseau dans le hangar, donc... Là, il va sur le... Et on a trouvé quelques mailouren. Sur l'ordinateur. Ouais. Il va sur l'ordinateur, vous voyez qui appuie sur quelques touches, et ça, il y a un compartiment sous le bureau du sur lequel il y a l'ordinateur qui s'ouvre, et il récupère sa cape et son casque, son blaster et son fouet laser dans ce compartiment. Il met son masque. Mais au fait, capitaine, pourquoi est-ce qu'ils vous ont capturé? Ben, à cause du podcast. Il a fait quelque chose à cette gardienne. Mais il a dit qu'il s'était foutu de Matrax. Ah, mais c'était au moment où j'avais ma déconnexion, je n'avais pas entendu. Ah oui, pardon. Parce que il s'est foutu de la gueule de Matrax dans son podcast et du coup ça. Il avait un égo fragile. Donc. Ouais, du coup. Mais vous inquiétez pas, il est devenu gentil. Et il est reparti chasser des dragons crates. C'est vrai. Voilà. Oui, par mais contre, pas il a toujours des moufles. Ouais, et pas ceux du Legends, hein, les vrais dragons crates. Incroyable. C'est fou. C'est fou ce qui s'est passé là. Oui, on a eu une matraque Demption. Il a mis du café partout. Ça mérite une augmentation quand même. Hein. Ouais, alors on verra ça quand on sera arrivé là-bas, d'accord? Ok. Ok. Très bien. Vous pouvez marcher, capitaine? Comment? Vous pouvez marcher, capitaine? Si vous voulez, j'ai ouais, encore non, un peu c'est bon, c'est bon, le steam de Tuki m'a fait du bien, là. Et allez, c'est de la bonne, quoi. Je sais que c'est de la bonne, c'est toujours de la bonne. Bon bah on y va. Si vous voulez, capitaine. On y va, tout le monde? Ouais. Comme ça, on va rentrer au vaisseau, on va décoller. Je vais cuisiner un bon petit truc là. On va bien se réchauffer, genre une petite raclette là. Ça va se mettre bien. C'est le meilleur plan. Attendez, y a Tuki qui a fait l'illustration. On n'a pas pu faire la. On n'a pas eu le temps de faire une fiche perso pour. Pour le capitaine. Voir le capitaine qui s'est habillé, nous. Mais le capitaine s'est habillé. Je la ferai plus tard. Oui, ouais, c'est normal que t'aies pas eu le temps, là. Hein, c'est de ma faute. Oula. Il a vraiment du mal, hein, l'ordi. Je suis désolé. Bon, pendant ce temps-là, on retourne en arrière. Le capitaine, il peut constater tout le bazar que vous avez fait. Vous êtes fier de vous, capitaine? Bah, je crois que j'ai jamais été aussi fier de vous que maintenant, là. Voilà, vous pouvez voir le capitaine. Dans la prison, puis dans le couloir, puis dans un autre couloir. Et vous arrivez dans le hangar et il fait « Mon vaisseau, Oh. Vraiment, je pensais jamais le revoir. Je l'ai fait géant. Je sais pas pourquoi je l'ai fait géant. Ah non, il est en train de grandir. Vous voyez Matrax qui est près d'un vaisseau et qui est garé à côté du Faucon Millenial. Juste vérifier un truc. Ah, punaise, j'ai mon truc qui galère là. Voilà. Ok. Le capitaine sort son blaster et tire dans la tête de Matrax. Oh non. Okay. Vous faites chier parce que moi je voulais l'égorger et je l'ai pas tué juste parce que vous étiez oh, faut pas le tuer. Et je voilà, et maintenant c'est lui qui le kill. Bah, fallait pas le tuer. On va parler maintenant dans le podcast, chef. Bah, on va parler de la fois où on a défoncé la gueule à Matrax. C'est qu'on est sans faire de loi, mais quand même. Très bien. Je me trouve un peu dur, capitaine. Tu me trouves toujours un peu dur, c'est ça le truc. Vous avez des choses à dire au capitaine ou pas? Pas cool, capitaine. C'était mon kill. Bon. Est-ce que la prochaine chose, voilà, c'est légitime, tu vois. Il m'a littéralement torturé pendant une semaine, je pense que j'avais le droit de faire ça. Oui, oui. Mais je vais tirer dans la bite, chef. Il je dis ça vaut. Il fait bon bah écoutez, si vous voulez faire la gueule, vous restez ici. Mais moi, je me casse. Et il monte dans le Faucon Millenial. Bah moi je dis on va chercher le trésor pendant que lui il se casse. Hein. Parce qu'il va pas se partir sans nous. Hey, capitaine, vous voulez pas regarder ce qu'il y a comme trésor à choper? Ouais, on récupère les thunes, bah non, on va dans le vaisseau. Ça vous dit vous récupérez les thunes, comme ça moi je vais déjà aller commencer à aller à la cuisine. Je vous fais confiance. Et faire des petits trucs. Je vous fais confiance. Moi je vais dormir. Ok, okay capitaine. Toujours les mêmes qui bossent. Oui, c'est toujours les mêmes qui bossent. Ok. Moi je vais faire. Vous allez dans la salle du fond. Ouais, la salle au trésor. Ouais. Moi okay. Non. Moi je vais rester sur le vaisseau avec Funali et un bébé. Ah vraiment? Moi je suis sûr, Adrien. Avec mes body walk, mais. Ah non, vas-y. Ouais, si, je vais non, rester. Non, moi je. Tu veux pas qu'on aille tous au trésor? Non, moi j'y vais pas. Peut-être qu'il y a du loot? Moi, j'ai bien envie d'y aller aussi, ça se trouve, il y a du loot, tu vois. Ouais, si ça se trouve, il y a d'autres objets sacrés Ewok. Ouais, allez, pourquoi pas. Allez, voilà, on y va tous. Du coup, vous allez tous dans la salle du trésor, qui ressemble un peu, vous savez, au truc de banque, là, où il y a c'est des petits casiers partout dans la salle. Mmh. Et il y en a quelques-uns, la plupart même, sont ouverts... Et vidé, mais il reste encore à peu près 10 trucs, 10 casiers. Il y a sur une petite table qui est toute seule au milieu de la pièce. Il y a une carte. Il y a une carte qui est posée dessus. Ouais, moi, je jette un œil à la carte. Navigateur. Vous prenez la carte, donc, et vous comprenez que c'est en fait une carte qui sert de clé. Ah ouais, comme quand on m'a regardé. Donc, vous déduisez, je pense que c'est la carte pour ouvrir les petits casiers. Ouais. Je vous laisse juste choisir ce que vous faites là, c'est pour ça que je dis rien. C'est vous êtes libre. On commence à ouvrir. On prend le premier coffre et. Vous ouvrez le premier coffre. Attends, faut que je regarde tout ce qu'il y a. Vous ouvrez le premier coffre et dedans il y a d'autres petites cartes plus petites, mais vous reconnaissez que c'est des trucs d'argent en fait, de crédit. Des puces de crédit. Vous en avez, vous trouvez 5 puces de crédit dans celui-là. La moula galactique. Je vous laisse noter, hein. Combien il y en a chacun ? Dans le premier casier que vous avez ouvert, il y a 5 trucs. Okay. Donc on peut se les répartir. Ouais. Vous remarquez d'ailleurs que c'est des trucs de des puces de 100 crédits. Ok. Donc. Nice. Ensuite, vous en faites un deuxième ? Ouais. Bah oui. Dans le deuxième, que vous ouvrez, vous trouvez un livre, un vieux livre, qui est écrit, qui est vraiment écrit à la main, hein, c'est un livre papier et tout. Et vous remarquez que c'est un guide Michelin, comme celui que Tuki a, mais c'est le guide Michelin édition Terres Inconnues. Nice, le prends. Ça semble plus logique. Vous faites quoi ? Bah, je le prends. Non, mais vous continuez. Vous vous ouvrez un pardon. Vous ouvrez un autre et vous voyez des espèces de lunettes de pilote. Des lunettes de pilote. Est-ce que quelqu'un a des connaissances par rapport à la... Enfin, c'est non identifié, mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait tenter de savoir ce que c'est ? Bah, si ça ressemble à des trucs de pilotage, moi, il y a des chances que ça me dise quelque chose. Vas-y, tu me fais un petit test pour voir si tu reconnais. Allez, 3. Et en fait, il ne te faut pas longtemps pour reconnaître que ces lunettes qui sont fissurées étaient en fait les lunettes de pilotage de Rats Tyrell, un célèbre pilote de Podracer, mort sur Tatooine, explosé dans une grotte. Il y a de cela plus de 30 ans maintenant, même plus de 40 ans même. Trop bien, j'étais fan de lui, j'ai même un poster. Tu as effectivement un poster de lui dans ta cabine du Faucon Millenial. Ok. Je garde. Ensuite. Donc lunettes de pilote, hein, parce que je rajoute sur la fiche de Xmi. Lunettes de quoi le nom du pilote ? Donc tu ouvres un autre. Attends, c'était quoi le nom du pilote, pardon ? Rats Tyrell. Je vais chercher. Tu veux chercher qui c'est ? Oh, si, je me souviens, mais je sais plus comment ça s'écrit. C'est bon, j'ai trouvé. Je l'ai rajouté moi-même. Ok. pendant que Tuki est en train de chercher sur son comlink ce que c'est Rats Tyrell, il y a Funeli qui en ouvre un autre et vraiment par chance, c'est un lingot de Beskar. Oh waouh! Je le prends, mais genre là, tu direct. Je ne réfléchis pas, c'est à moi. C'est grave. Ensuite, vous ouvrez un autre, je suppose. Non, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Tant qu'on joue, on gagne. Non, c'est l'inverse. vous ouvrez un des deux derniers. Je crois que c'est un des deux derniers. Oui, un des deux derniers. Et vous y trouvez une magnifique bouteille de brandy de Savarine. Évidemment, c'est juste à côté, donc ils ont dû le looter il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pour moi. Ah, on a vraiment l'impression qu'on est dans un monde qui a été designé pour nous, quand même. T'as vu ça ? Je glisse dans ma besace. Tu glisses dans ta besace, espèce de gros dégueulasse ? Eh oui. donc tu glisses ça dans ta besace et vous ouvrez le dernier dans lequel il y a une espèce de... un truc qui ressemble à un apôt ou je sais pas quoi. Adrien le prend, il a l'air émerveillé et il le met dans la bouche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Oh, D'accord, c'est un instrument nicto. Vous connaissez? Moi je connais plein de bestioles, mais aussi oui. Tout ce bruit-là. Hein. Maintenant, oui. Ça s'appelle un ouska. C'est un ouska nicto. Un ouska nicto, parfait. Un truc magnifique. Instruments de musique, ils ont des groupes de musique composés uniquement de ça et c'est vraiment divin. À écouter. Enfin, pouvoir accompagner une musique comme ça. Ouais, trop bien. Tu commandes Nouska ? Nouska, non mais ça n'existe pas vraiment. Hein. On l'a inventé deux minutes avant le podcast en fait avec Adrien. Je lui avais prévu autre chose. Ouska, ça s'écrit O-O-Z-K-A. Ah oui, ok. Kazoo, plus de l'or. Ouais. Ok. Non, c'est pas comme Kazoo, c'est Ouska, ok. Ouais, okay. Ça n'a rien à voir. T'as compris, maman. Il y a une dernière petite case que vous ouvrez et il y a encore 5 puces de crédit. Allez. L'argent. Nice. L'argent. On dirait en capitaine. Elles font combien? Non, elles font toutes 100. C'est encore des capsules de 100 crédits. Des capsules, des puces de 100 crédits. Alors, pendant le podcast, il y a Matt qui nous a fait cette magnifique illustration. Enfin, illustration, c'est pas une illustration, mais ce magnifique montage de Matrax qu'on postera sur les réseaux sociaux. Matrax après l'aventure. Matrax après l'aventure. Le cadavre de Matrax ressemble un peu à ça sur le sol. Quand vous repassez devant avec tout votre magnifique loot. C'est affreux. Vous remontez à bord du Faucon Millenial. Que faites-vous? Il y a sur la banquette de la pièce principale, il y a le capitaine qui n'a même pas eu le temps d'aller jusque dans ses quartiers, il s'est affalé sur la banquette et il roupille comme jamais. Comme jaja. Est-ce qu'on gagne en compétences ou pas? Non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Ah, on a eu des nouveaux objets, donc on a... Vous avez des nouveaux objets, c'est déjà bien, non? Ok. Moi, je vais aller faire... du coup, comme j'avais dit, je vais aller nous faire des bons snacks, trucs à bouffer stylés, tu vois, petit truc convivial pour fêter ça. Fais-moi un petit test pour voir à quel point c'est bien fait. Ça va. Ça va. Ça va. C'est bien fait. Après une telle aventure, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien, c'est ça. Qui voudra aller à la plage avec moi? Oui, où est-ce que vous allez? Ah oui, t'as fait 6. Elle a fait 6 sur 2D. C'est la moyenne. Vous faites un burger. En fait, tu fais un Burger King. Un burger Mandalore. Ouais. Un Mandalorian King, en fait. Ça vous dit d'aller prendre des petites vacances? Genre, il y a la plage pas trop loin, ça vous tente? Il y a rien qui presse, alors pourquoi pas? Moi, j'aime bien le sable. c'est rare d'entendre ça. Très bien. Bon, pendant ce temps-là, il y a l'autre qui ronfle. Donc, vous allez sur Savarine, c'est ça? Ah bah oui. Il faut bien faire le plein aussi. Je vais mettre la magnifique séquence de Matt. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y en a pas en orbite autour de Savarine. Non, mais c'est bon. Il est juste à côté, mais faut quand même faire un petit saut. Ouais. Il a l'air d'aller vite, mais en vrai, il est juste à côté. C'est juste pour avoir les jolies lumières. De Matt, en fait. Je pensais pas que vous alliez revenir juste à côté. Et j'ai mis la mauvaise. Vous vous retrouvez en plein milieu de nulle part. Vous vous êtes trompé dans les coordonnées. On aurait dû faire un jet. 5, 10 minutes, allez, on repart. Et ben, bim. Je me suis trompé. De trucs. Voilà, c'est bon. Vous êtes au milieu de nulle part, vous ne savez pas où vous êtes. C'est la fin de cette aventure. Yes. Yes. J'étais désolé, pas de plage. Vraiment le pire MJ, merci d'avoir de vous être accroché comme ça avec moi, j'étais vraiment nul. Mais merci non, beaucoup. Je veux dire, on a mené l'aventure, on a eu des trucs pas prévus, on a eu des trucs rigolos. J'aimerais vous applaudir. parce que vous avez réussi à battre tous les ennemis en deux combats. Yes. Bon, il y en a un qui a duré un peu longtemps, mais je les avais éparpillés un peu partout dans la station, mais vous avez allumé les... vous avez allumé les... On a fait les alarmes comme des connards. C'était trop bien, du coup, vous avez eu tout d'un coup. À la base, Matrax, vous étiez censé tomber dessus de deux manières différentes. Et ben, j'ai dû inventer un nouveau truc, là, sur le moment, parce que c'était pas prévu comme ça. Mais comme ça, t'avais prévu des embranchements et tout ? En fait, j'ai des trucs de prévu, mais je reste flexible. Parce que vous avez pas du tout fait ce que je pensais. Hein. Mais tu vois, j'ai bien fait de réduire la taille de la map parce que ça aurait été trop long. Bah, tu sais qu'elle était grande, enfin, elle me paraissait grande. Ouais, elle était grande, surtout quand elle était vide, il y avait rien à faire en fait dedans. C'était... Bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois par rapport à ça. C'est vraiment merci énormément à Matt et à Tuki qui se sont occupés de faire tout l'aspect visuel. C'était vraiment trop gentil. Je suis vraiment, vraiment désolé que les dés aient arrêté de s'afficher en plein milieu du stream parce que c'était une des features du truc que j'avais testé pendant 2 jours. Il n'y avait eu aucun souci et là, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment, vraiment trop bien de faire ça avec vous, avec vous tous. Ouais, c'était cool. La prochaine fois, ce sera pas tout de suite, mais je pense que il y en a plusieurs ici qui voulaient déjà faire d'autres aventures avant même qu'on ait commencé. Je pense que on le fera vraiment, mais ce serait bien peut-être qu'on tourne et qu'on change de MJ à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai jamais masterisé et j'avoue que j'aimerais bien essayer. Voilà. Merci énormément d'avoir été là. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose encore ? Presse F pour Matrax dans le chat. La bagarre aussi. À la base, j'avais pas du tout prévu qu'il soit là, et en fait, j'ai testé un truc, et j'ai essayé de faire un montage pour qu'il ait l'air vieux, et j'ai trouvé ça beaucoup trop cool pour pas le montrer au monde entier. J'ai demandé à Matt, est-ce que tu peux pas lui mettre la tenue rouge pour qu'il soit dans l'esprit Guavian, Death Gang, et ça marchait beaucoup trop bien, et il m'avait même fait un joli montage dans lequel il s'était fait pipi dessus. Il peut plus se faire pipi dessus. Oui, c'est fini pour Matrax. J'avais pas pour le... Alors, je vais vous dire, j'ai lancé un dé à deux faces. Enfin, j'ai lancé une pièce en fait. J'ai lancé une pièce et d'un côté il vivait, de l'autre il mourait. Donc c'est vraiment la photo destin si Matrax est mort. Mais voilà, Faucon Millenial, le seul podcast dans lequel Matrax a été tué. Et ouais. Je suis vraiment... Après, un préquel la prochaine fois, je sais pas pour lui. Matrax, mais non, mais attends, en plus, mais non, mais le truc, c'est que Matrax, c'est pas une personne, c'est un état d'esprit. Ça se trouve, c'était pas celui du film. Il va revenir. Je rappelle qu'il y a plusieurs des Matrax dans le film. Voilà, c'est ça. Ça se trouve, il y a un autre Matrax qui va débarquer parce qu'il va nous dire t'as tué un des Matrax. Ouais, ça se trouve, il se relaie à chaque fois qu'il y a un Matrax qui disparaît, il y en a un autre qui prend sa place, c'est comme les avatars. Oui. Ouais. Dalai Lama, il cherche la réincarnation. Ou alors voilà, on fait la prochaine fois, on fait un avance dans le temps, 30 ans plus tard, somehow Matrax has returned. The dead speak. The dead kill great dragons. Et tu sais, en fait, quand tu vas dans les laboratoires, c'est il a essayé de se cloner pour se refaire son zizi, et du coup, il y a des zizi en pickle. Des zizi en pickle. D'ailleurs, on m'a trouvé ta voix, parce que c'est fini. Mais il l'a encore. Mais t'as même pas ma voix, c'est ma voix normale, ça. Vraiment, je m'y attendais pas à ça aussi. Je vais parler comme ça maintenant. Mais, oui, je suis désolé aussi, Matt, il était pas là, mais en fait, c'est que quand on avait fait le prologue, Matt, il était pas avec le groupe Il est en train de vivre sa vie pendant que les autres se battaient, en fait. Et du coup, il avait. En fait, c'est moi qui fais péter les. Oui. C'est moi qui dérive. Voilà, mais à la base, voilà, j'avais prévu tout un truc, et rien que là, après avoir fait le prologue il y a quelques mois, là, je savais. Fallait déjà que je change mes plans parce que Matt, il était pas à l'endroit où il devait être. Le zbul. Oui. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu nous tous, le zbul ? Merci. Ça a été destruit. Merci tout le monde d'avoir été ici. On se dit au revoir. À bientôt. Pour de nouvelles aventures, peut-être. Et merci d'être restés aussi longtemps, tous. Hein, vous êtes encore très, oui, apparemment. Merci ouf. Pour vos retours. Ouais. Tous vos petits commentaires à nous voir que c'était super. Et ben, ça nous fait plaisir. Ouais. Oui. Alors, sauf quand c'est Ika. Je m'étais mute. Sauf quand c'est Ika. We are all Matrags. Et que la force soit avec vous. Mais c'est quoi tous ces dés? Qu'est-ce que tu fous, Imlise? Je me demandais s'il y avait une limite au nombre de dés. Bonne soirée, bisous. Bye bye. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Bonne soirée.